C'est fou! 89.1 Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 8 mars 2017. On est à 50 jours exactement de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières. Oui, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. C'est très bien, ça va. Ça va très bien, toi, Mathieu. Ouais. Moralement, ça va très bien. Tu survis? Oui, ça a pris quand même jusqu'au 8 mars avant que je me pète la gueule sur la glace. Exactement. Ça a été long. Oui, mais là, on t'a amené de la glace. Peut-être que ça va faire un petit peu plus de bien. Merci, c'est tombé sur mon bras droit. Exact. Je suis droitier, donc la souris, ça fait particulièrement mal. Mm-hmm. Ouais, mais c'est comme ça, on peut pas contrôler ça, apparemment. Malheureusement, non. Et ça s'est passé près de chez moi, donc j'ai pas possibilité de revenir contre le QT. Oh. C'est des blagues, ça se fait pas. C'est des blagues. Ça se fait absolument pas. Bref, aujourd'hui, l'émission, quand même, on va faire une émission qui a de l'allure. Ben oui, franchement, c'est pas parce que t'es à l'agonie que... Ben non, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, je vais pas manquer mes émissions dans la même session. Exactement. Donc, aujourd'hui, on a plus tard Tania Esgalant. Tania, qu'est-ce que tu nous présentes plus tard? Bien, comme je suis pas là demain, j'ai décidé de faire comme le petit tour de ce qui a retenu mon attention dans l'actualité aujourd'hui à la place de le faire demain. Et Caroline, ça va être difficile demain. Aussi, on va s'acheter des gadgets inutiles en fin d'émission parce qu'on n'a pas Xavier McLeish aujourd'hui à cause de la semaine de relâche, donc on n'a pas de chronique sur la huître et on n'a pas... Alors, en fait, je me reprends tout de suite instantanément. On a une chronique sur la huître avec Frédéric Simon aujourd'hui. C'est vrai. Et puis, à 9h, on va se faire Sex Fest, ça devrait répondre là. En ce début d'émission, par contre, on a Sébastien Vigartin qui vient d'arriver. Bonjour à toi. Bonjour. Toi, tu t'es pas planté? Non. Tout va bien? C'est ça qui t'est arrivé. En santé. Oui. Ouais. Bien fait, il est glissé dehors. OK. Mais tu sais. Ça a failli m'arriver par contre. Et à plusieurs reprises. Ouais. Dans le 4 mètres que j'ai marché entre la porte de mon bloc et mon char. Là. Ouais. Ouais. Oui, parce que ce que les gens ne savent peut-être pas ce matin, c'est qu'il y a une bonne couche d'eau. Mais attention, en dessous de l'eau, c'est de la glace. Ceux qui sont pas encore sortis ne savent pas. Exactement. Ceux qui sont sortis, ils sont au courant. J'ai réalisé que mes pneus ont plus de traction que mes semelles de bottes. Ah oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Je pense qu'on a tout réalisé ce matin. Ben, moi, sentez pas trop mal pour moi parce qu'en tant que tel, c'est ma faute de ne pas avoir de bottes. Ah, c'est Attends, vrai, est-ce que tu es en train de dire que tu as tombé à cause que tu n'as pas les bonnes bottes d'un pied? J'ai des souliers. C'est vrai, toi, tu te promènes en sneak tout l'hiver. Ouais. Puis en plus, il est tout le temps en train de marcher. Ouais. Donc automatiquement, tu cours à ta perte, tu es tout le temps malade. Mais ça a pris jusqu'au 8 mars. Avant que je me plante. Ouais, mais pas avant que tu sois malade. C'est quand même planté. Ah, je suis malade pareil. Oui, maman. C'est pas à fond de mes souliers. Oui, c'est à cause de tes souliers. On te l'affirme, on est deux qui te le disent. Bon, OK. C'est on a clairement raison de plus à cause que de toi. Tes souliers. Ah, je me sens en minorité. Ah. C'est pas grave. Hey, on va clencher sur ta chronique, peut-être. Ouais. Commencer l'émission. Ça fait une belle introduction, en fait. Pas pire. Voici Sébastien Vigartin et son bulletin Gartin. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu et Tania. Bon matin. Heureux de t'avoir avec nous. Enfin de retour parce que ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vu, 2 semaines d'absence. Mm. Une à cause de moi, une à cause de toi, je crois. Ouais. Pas mal ça. Ouais, ben il y avait. En fait, il y avait une entrevue en groupe là, qui est revue communautaire oui. que vous avez faite. Puis moi, ça m'a donné pas de venir plus tard. Fait que ben c'est ça. Bref, je comprends pas, mais c'est pas grave. Donc, sujet d'aujourd'hui. Le focus group, Mathieu, le focus group. Ah, okay. Pas au courant de ça. Donc, sujet d'aujourd'hui, Sébastien? Sujet d'aujourd'hui, on est plus que toi, fait qu'on a plus raison que toi. Exact. En fait, c'est une farce. En fait, sujet d'aujourd'hui, ça va être un peu éditorial aujourd'hui. Oh. OK. J'ai pas nécessairement fait une recherche sur un événement d'actualité... Et ainsi de suite, parce que dans ce temps-ci, je pourrais parler pendant une demi-heure des frasques de Donald Trump. Ouais. Je passe déjà une heure le lundi à 11h. C'est ça. À faire ça. Donc, puis à part de ça, tout a l'air morose un peu. Par contre, une petite nouvelle a attiré mon attention cette semaine, que ça devrait pas être plus qu'une petite nouvelle, mais je vais derechef embarquer sur le sujet. Puis comme je dis, ça va être un peu éditorial, parce que la nouvelle elle-même, je trouve ça anodin, mais c'est la petite réflexion qui en suit que je trouve intéressante. Cette nouvelle, quelle est-elle? C'est, ça arrive en crime, c'est fun. Ouais, tu tournes autour du pot, c'est incroyable. Oui, c'est fou, je fais exprès. Hein? C'est mon gueule. Je joue... Ouais. La soirée est encore jeune, on a souffert à cause de ça. C'est fou. Fais pas ça, c'est hein? fou. Mais justement, je m'enligne pour une belle poursuite parce que je vais parler de Richard Martineau. Oh! Et oui, ben dans le fond, ben c'est ça pour. Ça circule un petit peu quand même cette semaine. Il y a eu un mémoire de maîtrise qui a été déposé l'an dernier, en fait, même un peu plus qu'un an, en 2007, mm-hmm. l'année dernière, qui a été réalisé en sociologie, je crois, à l'UQAM. Si, je me souviens, oui. Ce mémoire de maîtrise-là, en gros, ce qu'il défend, c'est que les textes que Richard Martineau commet dans le Journal de Montréal encouragent l'islamophobie. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben, tu sais, en gros, ce que ça dit, puis là, on va le dire tout de suite, je ne l'ai pas lu, l'étude, le mémoire, parce que j'en ai eu à travailler dessus. Puis, c'est ça. En gros, ce que ça dit, c'est que la teneur des textes de Richard Martineau encourage le climat ambiant de méfiance envers les personnes qui pratiquent la religion musulmane. On sentait que ça a du sens de dire ça. Ça a du sens de dire ça. Tu sais, quand tu parles, comme dans plusieurs éditoriaux par semaine, de tout ce qui est musulman de façon négative... c'est ce que ça crée comme environnement. Puis après ça, t'as des gens au conseil de ville, je sais pas trop quoi, qui se lèvent et qui disent « Moi, je vais pas les islamophobes. Ils vont construire un cimetière. » Je vais pas les islamophobes. Oui, Richard Martineau, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ils vont construire un on sait quoi, puis est-ce qu'on balance. Ils font pas même quand ils sont morts. Hein, les affaires, puis tout. Là, ce qui était arrivé, bon, évidemment, il y a un ancien de la radio C'est fou dont je tairai le nom qui a dit sur Facebook, puis moi, je l'ai trouvé très, très drôle. OK. Quelqu'un écrit un mémoire de maîtrise sur Richard Martineau et Richard Martineau a le sujet de ses 20 prochaines chroniques. C'est clair, il en a déjà fait une, hein? Ah oui? Sur ça? C'est oui. Ah. C'est quasiment surprenant que ça soit rien qu'une. Oui, mais ça va venir le reste. Il n'y a pas eu de temps. C'est juste le début. pour un peu, je n'eusse été surpris que le Journal de Montréal lui permette de faire un numéro spécial que c'est. Tu sais, mettons, le numéro de mardi qui soit uniquement des chroniques de Richard Martineau sur les accusations d'islamophobie. Ils ont-tu fait la couverture avec cette chronique-là de Richard Martineau? C'est en front page, là, Richard Martineau, bref, le droit des airs. Là, puis... Ouais, qui montre le mémoire de maîtrise, ouais. Parce que c'est le Journal de Montréal, on aime beaucoup ça, les photos de couverture de gens qui montrent des choses à travers avec l'air fâché. Des rédacteurs en chef du campus qui m'ont dit hey, ça se fait-tu une chronique en une? Non. Non. Ça fait non. Vraiment sensationnaliste? Non. Ça fait vraiment le Journal de Montréal? Ouais, c'est veux-tu sûr, être le Journal de Montréal? Non. Non. Imaginez les gros yeux qu'Alain Lefebvre nous ferait. Hey! Directeur de la programmation de C'est exact. Fou. Hein, ouais. Directeur de la programmation de C'est fou qui nous fait signer un papier comme quoi est-ce qu'on fait pas la même chose que dans des radios commerciales. Avec raison. Avec raison. Voilà. Voilà. Et c'est pas sur c'était la partie. Sir. C'est vraiment dans les règles. Oui, vraiment. En fait, plus que ça, dans la définition dans le CRTC, qui est l'organisme canadien qui s'occupe de régulariser tous les médias comme la radio, les journaux, et ainsi de suite, dans la définition des radios communautaires et des radios étudiantes, c'est écrit que la mission de ces radios-là, ça devrait être de produire du contenu alternatif. Oui. Puis là, on parle pas de fait alternatif. Non, on parle dans on la parle définition pré-2017. Et alternatif même de Radio-Canada, on n'est même pas supposé faire le même genre de Radio-Canada, alors qu'on fait, on joue dans les mêmes genres de Non, Radio-Canada joue maintenant dans les mêmes genres que nous. OK, ouais, t'as vu le même, t'as raison. C'est vrai. C'était pas de même, il y a une couple d'années... Ouais, c'est ça. Là, c'est à cause de la soirée est encore jeune, c'est de leur faute. À cette heure, ils font venir des artistes indie sur leurs affaires. Puis là, ben, Rebecca McConnell, puis ainsi de suite. Tout le monde tripe, ça. C'est ça. Ouais. Bref, hein, c'est la faute de Musique Plus en 2004. Oui, c'est ça, exactement. On aime ça. On s'est fait dire en ligne, sur Internet, en public, qu'on était des gens qui se la jouaient hipster. On peut-tu répliquer en ondes? Oui, bon. Ben, selon notre licence, on n'a pas le choix. Même si ça fait genre un mois et demi de ça, on en revient toujours c'est pas. C'est ça, exactement. Hein? Ouais. J'ai pas suivi celui-là. Bref, Richard Martineau. Ben oui. Bon, là, évidemment, c'est ça. Il y a eu une réponse de Richard Martineau qui a dit pas vrai, je suis islamophobe. Puis puis en plus, le mémoire de maîtrise, ça a été fait à l'UQAM. Fait qu'on sait bien, tout un repère de petits gauchistes régressifs, oui, tout le kit. Hein, les idiots utiles de l'islam. Puis là, à part de ça, il y a évidemment un paquet de collègues dans le Journal de Montréal qui ont suivi la même affaire. Puis qui ont juste dit que c'était un mémoire minable et que. ben c'était du gros n'importe quoi, puis que la personne définissait même pas l'islamophobie, c'était alors quoi. Alors que bon, oui! Bon, premièrement, les premières, genre 80 pages, c'est définir l'islamophobie, là. Ah, mais parce qu'un mémoire de maîtrise, c'est ça, faut que tu définisses tes termes. C'est tellement comme Donald Trump quand il dit, genre, ah, il a même pas posé telle question en entrevue, puis la première question était littéralement la question qu'il avait. Oui, c'est ça. Tu sais, quand ça. Tu fais pas ta recherche. Hashtag alternative facts. Ah. Exactement. Fait que c'est ça. Puis, bon, là, ce qui est arrivé, puis d'ailleurs, une chose très, très importante à spécifier, c'est que là, ça a tout été traité, évidemment, par cette gang de tripeux de l'attaque ad hominem, là. Ben oui, oui. Attaque ad hominem, c'est le sophisme de « Moi, je m'en fous ce que tu dis, c'est toi que j'attaque. » C'est envers la personne. On attaque la personne. Ben ça, on s'entend, la clique à Martineau, c'est pour ça à longueur de temps. Tout ça, je veux dire, c'est y a, mais ça n'a même pas besoin d'être documenté. Lisez une chronique quelconque au hasard de Richard Martineau. C'est yang de tout ça. C'est juste attaquer personne tout le temps. C'est un mode de vie rendu là. Oui, c'est ça. C'est sa philosophie. Voilà. C'est philosophie, on peut appeler cela. On rappelle que philosophie veut dire quête de la sagesse. Est-ce qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans? Je ne crois pas. Oh. Parce que sa blonde s'appelle Sophie. Fait que philosophie. Ah, c'est philosophie. Ça. Il aime beaucoup Sophie. Ben oui. Voilà. Richard Martineau est un philosophe. Et voilà, c'est dit. Bon, donc, oui, j'ai vraiment produit cette phrase-là dans ma vie une fois. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés, je m'excuse à mon moi-même. J'ai un petit goût de bouillie. Bon. Donc, la réflexion à laquelle ça me fait venir, c'est que là, bon, puis je n'ai encore pas lu toutes les chroniques qui ont été écrites par les collègues de Martineau dans le Journal de Montréal. Je sais même pas qui exactement, je me doute des noms. Il y a probablement Mathieu Bock-Côté qui a encore fait sa crise de bacon à propos de l'islamophobie. La raison, c'est parce que ces chroniques-là, déjà dans un contexte habituel, puis ça doit être encore plus vrai à ce moment-là, ça, c'est des fois difficile de faire la différence entre la section commentaire et la chronique elle-même. Hey, yeah, c'est oui, vrai. C'est vrai. Fait que, tu sais, en général, comment tu le sais, c'est que la chronique est mieux écrite puis est en premier. C'est... Mais écrit comme le vrai monde! Ben, c'est ça. Mais tu sais, au moins, c'est pas écrit au son, tu sais, au moins comme l'orthographe habituelle est respectée. Ben, tu sais, ils ont passé l'autocorrecteur dessus. Exact. C'est ça. Donc. Pourquoi j'en arrive là, c'est que là encore, ben pour, t'sais, on taxe Richard Martineau d'islamophobie. Qu'en est-il vraiment? Ben, premièrement, il n'y a jamais personne qui a dit que Richard Martineau dans sa personne était islamophobe. Ça, c'est une affaire que, comme je disais, on comprend qu'il y a de la misère à faire la distinction entre les deux, parce que lui, l'attaque à la personne, c'est un mode de vie. Ouais, c'est on ça. En mange. C'est surtout ça, hein? Mais ce qu'on l'accuse, c'est d'encourager par ses propos l'islamophobie plutôt. Créer l'environnement autour de ça. De créer l'environnement qui rend propice l'islamophobie. Ouais. En gros, ce qu'on l'accuse, c'est pas d'être islamophobe lui-même, c'est d'être irresponsable dans ses propos. Voilà. Puis là, il va me dire « Ouais, mais moi, je fais de la chronique, j'ai le droit de dire ce que je veux, liberté d'expression, sti. » On a le droit de dire ce qu'on veut contre toi, d'abord. Ben, d'un, oui. L'autre chose aussi, c'est que liberté d'expression, particulièrement quand que t'es journaliste, puis là, les gens vont sourciller. Ouais, il est chroniqueur. Je reviens là-dessus dans deux petites secondes. Liberté d'expression n'est pas liberté de dire n'importe quoi. Mmh. Ouais, c'est surtout ça. Ils ne comprennent pas ça. T'as pas un droit, particulièrement quand t'as une tribune, de dire ce que tu veux à la. Puis c'est sûr que dans la Charte des droits et libertés, en gros, ce que ça dit, c'est que t'as le droit de le dire, mais t'as pas droit à un auditoire. Bon. Mmh. Mmh. Moi, ce que je dis, c'est quand que tu te prétends journaliste, parce que. Et là, Richard Martineau va tenir le propos dur comme fer qu'il n'est pas journaliste, mais à mon avis, il se prétend. Excusez-moi, journaliste. Lui-même. Pourquoi? Faudrait voir son CV, voir en quoi il a étudié. Oh. Richard Martineau, il étudie en quoi, effectivement? Je l'ai déjà su, puis j'avoue que j'ai pas fait la recherche. On va mettre Tania là-dessus. Tania va nous arriver là-dessus dans deux minutes. Donc, mais à base, qu'est-ce qu'un journaliste? Un journaliste, c'est quelqu'un qui rapporte des faits. Quelle est la différence entre un journaliste et un chroniqueur? La différence, c'est qu'un journaliste rapporte des faits de manière neutre. Mm-hmm. Dans le fond, choisit des faits, les explore dans tous les points de vue possibles. Et donne un genre de compte-rendu de ça, mais ne prend pas position. Mmh. La seule différence, c'est qu'un chroniqueur, moi, je vais donner l'exemple, moi, celui que je trouve qui est le chroniqueur typique qui fait la meilleure job, tu sais, la plus représentative de c'est quoi être un vrai chroniqueur, c'est Patrick Lagacé. Patrick Lagacé fait de l'enquête, pareil comme les journalistes. Le pendant de Richard Martineau, son ancien acolyte. Oui, son ancien acolyte je m'en allais dire de deux hommes en or, mais c'est pas vrai, des francs-tireurs. Ouais. Deux hommes en or, c'est avec les cheveux, là, Wautier. Oui. Puis là, ça va être Pierre Rivelard, cet automne. Ah ouais? Ouais. La même réaction, ah ouais? Ben, je l'écoutais pas, les deux hommes en or, honnêtement. Mais si j'ai trouvé. Et apparemment, Richard Martineau est un chroniqueur et animateur. Ah, dit-il. dit-il. Facile de dire. Selon Wikipédia. Qu'est-ce qu'il y a comme étude, Richard Martineau? J'arrive pas à voir. Il cache quelque chose. Probablement. Mais Patrick Lagacé. En fait, je suis presque certain. Je suis presque certain. Puis là, c'est vraiment une spéculation, mais je ne serais point surpris d'apprendre que M. Martineau a gradué de l'UQAM. Avec tant de cordialité maintenant. Ah. Je serais pas très surpris. Il me semble que Richard Martineau, UQAM, là, me semble il y a un petit quelque chose. Ça fit, là. Ouais. Hein? Eh bien, l'UQAM est une très bonne école. Apparemment, il aurait abandonné ses études avant la fin de son cégep. Oh! Ben, il peut avoir continué plus tard dans d'autres branches. Pas impossible. Aussi. Pas impossible. En tout cas, bref. Bon, bref. Attaque à Dominem. Hein? Richard Martineau, attaque à Dominem, effectivement. Je serais pas surpris qu'il fasse enlever de partout la référence s'il avait étudié à l'UQAM parce qu'il passe tellement son temps. Ça, hein? Fait tellement de mauvais sens sur le dos de l'UQAM. Mais bref. Donc, c'est ça. Donc, quand il se dit chroniqueur, en fait, ce que Richard Martineau nous dit, c'est qu'en théorie, quand tu chroniques, t'es un journaliste. C'est juste que t'es un journaliste qui fait la même recherche qu'un journaliste, qui se dit journaliste. Mm-hmm. La seule différence, c'est qu'après ça, tu émets une opinion sur le sujet. Tu fais une critique du sujet, ou ainsi de suite. Donc, excusez-moi, aujourd'hui, c'est la journée de je me tasse du micro. Hein. Ça, c'était un bâillement, ça. Oui, c'était un bâillement, ça, parce que ça fait pas longtemps que je suis levé. J'ai pas pris de café encore. Oh. J'étais trop pressé de venir vous voir, parler de Richard Martineau. Happy Joy. Je me demande combien de fois j'ai dit Richard Martineau depuis tantôt. Appelle-le Dick Martineau. Dick Martineau. Mathieu. C'est le surnom de Richard en anglais, là. J'ai rien dit. Oui, mais tu sais. Ah oui, mais donc, là, je l'ai pas appelé Pénis Martineau. Ah, vu comme ça. Tant mieux. Juste avant, dans l'assemblage prérequis, tu faisais des jokes de pédobert, puis c'était Dieu, malaisant. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi ton âge? Parfait. Ça. Entre autres, ouais, notamment. J'ai adoré ça. C'est ça. J'avais un petit malaise, honnêtement. Là. Mais c'était des citations. Mais vous voyez, pour en revenir un petit peu aux études, j'ai tombé sur la page des francs-tireurs. Justement, on parlait tout à l'heure des francs-tireurs. Benoît Dutrisac, lui, a un paragraphe complet sur ses études. Il est diplômé de l'UQAM en journalisme. Ah. Mais on n'a absolument rien sur les études de Richard Martineau. Bon. Ben, fait qu'il n'y en a pas. S'il a laissé tomber le cégep, il y a des bonnes chances qu'on comprenne à ce temps. Ouais, maintenant. C'est pour ça qu'il ne s'en vante pas. Ouais. Surtout, justement, lui qu'il a encore. Je suis certain que. Je pourrais pas les dénombrer, mais je suis certain que j'ai déjà vu passer des chroniques de lui qui dénonce les décrocheurs du cégep, hein, puis les maudits étudiants de carrière, puis. Hein, ah, mais tu sais, il y a une chronique à remplir 5 jours semaine. Hein. Faut qu'il dise n'importe quoi, c'est n'importe qui. Ah, c'est ça. Hein? Surtout que la moitié de sa chronique, souvent, c'est des. Tu sais, espace, enter, pas d'ailleurs, pour changer enter. De sujet. Ouais, ouais. Bon, donc, c'est ça. Fait que là, on fait de l'attaque à Dominem, en fait. On s'abaisse à son niveau. C'est le fun. Hein? Puis ça, comme on dit. C'est comme essayer de jouer aux échecs avec un pigeon. Mm. Rentrer dans une guerre de tir avec Richard Martineau. Il va. Attends un peu, c'était long à analyser dans ma tête. En fait, c'est une blague qu'on fait souvent à propos du fait de pourquoi faut pas argumenter avec des démagogues de droite. C'est que, pareil comme jouer aux échecs avec un pigeon, tu vas penser que tu gagnes la game, le pigeon va juste garrocher les pièces un peu partout sur le board et déféquer dessus et parader tout le tour comme s'il avait gagné. Mais tu dis. de droite, là, mais démagogues de gauche, ça existe aussi, puis c'est pas mieux. Des démagauchistes, oui. Ouais. C'est pas mieux, ceux qui sont tout le temps, genre, boqués sur, boqués sur leur opinion. Ah, c'est sûr, c'est certain. Ça on existe. On a tous quelqu'un en tête. Je suis sûr, présentement, qu'on a tous quelqu'un. Il y en existe quantité. On va se le dire, il y en existe quantité. C'est pas moins pire. Voilà. Bon. Le problème, c'est que généralement, la gauche à la base... les idées que les démagogues de gauche essayent de faire avancer. Mmh. Puis je suis d'accord, je les trouve tout autant désagréables. S'il y a de quoi, je m'entends beaucoup mieux. Puis je veux dire, on s'entend, l'émission que j'anime le lundi matin à 11h s'appelle « La sortie de secours est à votre gauche ». Hein? On a un biais idéologique là-dedans, on va se le dire. Mais j'aime quand même mieux discuter avec quelqu'un de droite articulé que de quelqu'un de gauche qui argumente comme une merde. Ouais. Il y en a beaucoup, hein, de ça. Il y en a des deux côtés. On est à une époque où la rigueur n'est pas à la mode. C'est vrai. Et c'est vrai des deux côtés du spectre politique. En effet. Un peu comme dans les chroniques de Richard Martineau. Cela étant dit, puis là encore, on pourrait très bien faire un mémoire de maîtrise dans la faculté de sociologie à l'UQAM qui dit que les chroniques de Richard Martineau ont contribué au climat anti-intellectuel. Oh. Je suis sûr que ça se défend. Parce que là encore, ben, puis c'est pas le seul, là, on passe de lui parce que c'est une figure de proue de ce mouvement-là, mais ça reste que c'est le fond de la chose un peu, puis c'est en fait toute l'éditorial ou ce que le commentaire éditorial ou ce que je voulais en venir aujourd'hui, c'est ça, c'est que on vit dans une époque d'anti-intellectualisme, où la rigueur intellectuelle, qui est souvent le penchant plus justement des gens qui ont qui font des plus longues études, c'est quelque chose qui est relié beaucoup aux universitaires, mais qui devrait être relié à peu près du moment que tu parles d'un sujet, en fait. Mm-hmm. T'es un soudeur qui donne des cours de soudure, tu devrais être rigoureux, tu sais. T'es un soudeur qui ne fait que partager avec tes collègues soudeurs. Puis je donne un exemple, c'est pas du tout contre les soudeurs, au contraire, je ferais jamais ça, ce job-là. J'ai pris un métier au hasard. J'ai pris un métier manuel au hasard. Tu devrais, quand tu, mettons, testes des nouvelles techniques de soudure, devrais être rigoureux dans, après ça, ben j'ai essayé telle affaire, puis d'expliquer à tes collègues, de dire ah oh, ben tu sais, moi celui qui m'a donné l'idée je l'aime bien, fait que je vais continuer à dire que c'est bon, mais en fait je me suis brûlé de partout, puis ça a pas fait une belle job. Tu sais, c'est ça à un moment donné, là. La rigueur, c'est important dans la vie, c'est ce qui j'ai goût de dire, c'est ce qui nous différencie des animaux des fois. Ben parfois. Parce que hein, c'est la réflexion qu'on fait par rapport à ce qu'on fait, puis c'est le la remise en question. La remise en question, puis de c'est comme ça qu'on s'améliore avec la rigueur aussi, parce que quand t'es rigoureux, ben tu te dis oui, ça marche pas vraiment. On va aller voir ailleurs pour se trouver une meilleure manière ou une meilleure explication ou ainsi de suite. C'est vrai. C'est du pragmatisme. On est à une époque où la rigueur s'est remise en question par du style Martineau. On vient de dire que c'était bon de se remettre en question. Exact. C'est ça. Puis de remettre la rigueur en question. Ben ouais, on peut remettre la rigueur en question. On peut remettre Richard Martineau en question. C'est ça. Parce que, puis c'est là où ce que je dis, bon, lui-même prétend être chroniqueur. Comme je disais, un chroniqueur, t'es supposé d'être un journaliste qui donne son interprétation des faits, donne son opinion sur les faits qu'il rapporte. Mais il y a quand même un rapportage de faits à faire à la base. Ben oui, il y a une recherche. Si tu rapportes tes faits tout croche, ton opinion vaut quoi à un moment donné? Eh oui. Tu sais, rendu là, c'est faire la même chose que les fans de Star Wars qui ont des sites internet de théories sur Jar Jar Binks, qui serait le vrai méchant de la série de Star Wars, puis des affaires comme ça. Tu fais la même chose, tu donnes ton opinion sur une fiction. C'est ça que tu fais. La fiction, là, c'est une fiction qui est très, très, qui est plus crédible en le sens où ce qu'elle se fait passer pour la réalité. Mais à la fin de la journée, quand que tu fais une chronique sur la supposée montée de l'islamisation du Québec ou de je sais pas quoi, puis que t'as aucune base scientifique pour dire ça, il y a aucun chiffre, c'est aucune des étude. Ouais, c'est ça. C'est des candidatons, puis c'est autant de la fiction que de parler de Star Wars. Ouais. Que de parler de Star Trek, exactement. De ce que tu veux, de Stargate, de toutes les stars. Je suis redondant avec ça, mais c'est exactement la même chose que fait Donald Trump en citant Fox News ou Breitbart avec des théories du complot. C'est la même chose. Je veux dire, Breitbart, c'est des beaux ouvrages de fiction là, à base. Là. Breitbart, ils ont fait leur carrière sur le fait de dire pas ce qui est vrai, ce que vous voulez entendre pour vous faire justifier dans votre crainte et votre haine de l'autre. Et voilà. Donc, même chose que Richard Martineau. Même chose que Richard Martineau, effectivement. C'est ça que je dis, on aurait à base le journaliste en 2017 est rendu beaucoup plus chroniqueur qu'autre chose. Et on a besoin d'une meilleure classe de chroniqueurs. On peut-tu savoir combien qu'elle a eu la fille après avoir écrit cette maîtrise-là? Elle l'a-tu passé? Ben oui, en fait, c'est pour ça qu'elle a été publiée, là, la mention qu'elle a eu, parce qu'une maîtrise, t'as pas de ça, note dessus. Ça n'a pas été elle qui lui a envoyé, là. Son prof. Ben en fait, ce qui arrive, c'est qu'une fois de temps à autre, il y a des journalistes en manque de trucs, que leur job, c'est juste de regarder un peu certains ouvrages comme ça qui fouillent. Certains ouvrages académiques, excusez. Eh boy, hein? Trop facile, j'ai pas pris mon café à matin. Ouais, c'est ça, je disais. Petite gorgée. Non, c'est correct. Je sais que toi aussi, t'en as. Hein? C'est ça. Hein? Le café, c'est notre nectar et notre ambroisie. Exactement. J'ai pas encore commencé, fait que les jeux de mots, c'est pour ça qu'ils sont pas encore en rafale. Ah, ouais, c'est ça. C'est parce que t'as de la glace sur le bras. J'ai de la glace sur le bras, ça me pompe, là. Ça me remigote. Fait que, ben, c'est ça, donc, les je sais plus tout ce que je m'en allais. Bon, on parlait de la note, en fait, puis on parlait des journalistes qui ont pas grand-chose d'autre à faire. Ben, c'est qu'il y a, ben, pas grand-chose d'autre. Moi, en fait, je trouve ça important qu'on le fasse, ça fait qu'on fait pas des maîtrises pour rien, tu sais, il y a du monde qui lise. Les sujets de maîtrise qui pourraient faire polémique un petit peu, on s'entend, ils vont avec ceux qui vont faire vendre la copie et des clics. Ben il y a certains journalistes qui vont juste se promener dans ce qui est publié à chaque année, parce qu'un mémoire c'est publié, mémoire de maîtrise et une thèse de doctorat. Puis qui rencontre la personne qui l'a écrite, lise le mémoire et disent « Bon, ben un mémoire qui dit telle chose. » Fait que là, celle-là, ben évidemment, c'était donné. Écoutez, c'est sûr que ça allait faire du clic. C'est clair. Sûr que le Martineau en chef allait réagir à ça. C'est une future sensationnaliste, la personne. Ben, c'est une forme de sensationnalisme, ouais. Effectivement. Par contre. Et ça a été accepté en plus par son directeur. Ouais, mais en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que oui, ça. Oui, oui. Il y a un petit quelque chose. Puis, tu sais, on va accuser souvent l'UQAM d'être justement l'université Carré Rouge, même 5 ans plus tard, d'être très, très de gauche, d'avoir des billets, ainsi de suite. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'autres universités, effectivement, qui auraient fait un mémoire comme ça. Mais ça a voulu être c'est intéressant, peu, en fait, parce que ça prouve. Ça, d'une certaine manière, c'est inquiétant parce que ça va prouver le pouvoir que ces opinionneux-là ont sur les débats de société, sur l'opinion publique. Puis en même temps, ça va montrer les dangers de ça. Ça prend un permis puis des cours pour pouvoir conduire un auto parce que c'est potentiellement dangereux de conduire un auto sans formation. Mais ces gens-là vont donner une certaine ligne directrice des débats publics et des résolutions de ces débats publics-là. C'est une grosse responsabilité. Sont-ils outillés présentement? Ont-ils ce qu'il faut pour avoir cette responsabilité-là? Et c'est là qu'est ma ligne éditoriale de dire on a présentement peut-être pas les chroniqueurs dont on aurait besoin, mais on a peut-être ceux qu'on mérite. Ah, c'est bon. Hashtag The Dark Knight. Oh! Burn. Et oui, je la cite souvent, celle-là, en fait. Puis c'est une phrase qui, on dirait que je trouve, dans The Dark Knight, là, le chevalier noir, Batman, là, dans la trilogie de Batman, faite par Pat Nolan avec Christian Bale. C'était à la fin du deuxième, là, The Dark Knight, celui avec le Joker. Puis cette phrase-là, je trouve que. Pourquoi est-ce que c'est des infiniment meilleurs films que ce qui se fait présentement avec boîte, Ben Affleck et tout? Ouais. C'est que c'était pas des films tant que ça à propos de Batman, c'était des films à propos de l'époque dans laquelle on vit. Ouais, c'est vrai. Avec un dude déguisé en chauve-souris, ouais. En armure, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il y a certaines phrases comme ça qui restent dans la tête après avoir écouté le film, malgré le fait qu'il aborde le film de super-héros. C'est, ben, je pense que ça vient de son frère, en fait, c'est Jonathan Nolan, qui écrit, en fait, tous les films de Christopher Nolan. Je suis en train de chercher le That We Deserve pour voir si quelqu'un d'autre l'avait dit. J'ai échappé ma glace. C'est triste. En faisant ça, je vais avoir mal. Mes sympathies. Merci. Je peux pas faire des recherches. Je pense que je suis rendu à parler de Batman dans une chronique sur Richard Martineau. Ouais. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Non, je sais pas. Ah, Steven Chbosky. Ah. We accept the love we think we deserve. Mais c'est pas la même phrase. Mais ça, c'est pas la même chose. Mais c'est inspiré. Ça, c'est dans, inspiré. Dans le film avec Emma Watson puis l'autre gars qui est The Perks of a Wallflower. Cool. Si je me suis aimé. The Perks of Being a Wallflower. C'est ça, voilà. Bon. Problème réglé. Donc, ça va donner une chronique cinématographique où je vais faire une autre demi-heure là-dessus. C'est pas vrai. Pas pire, c'est, on pourrait se mettre à chialer sur les chroniqueurs de cinéma et de divertissement. Ouais. Ouais. Mais ce sera pour une autre fois. Une autre fois, c'est ça. C'est une belle chronique quand même, belle éditoriale. Absolument. Ouais. Ton opinion est tout à fait. Ça partait de tous les bords, partagé. Comme ça fait tout le temps. Absolument. Pas grave. On aime ça de même. Ah, c'est pas grave. Quand on fait de l'opinion, on est tout sur les téléphones après pour nous dire vous avez tort. Le mercredi matin. Ouais. Ah ouais? Ah ben ouais, c'est déjà arrivé. Ah ouais. Vous me faites pas une suivi là-dessus, vous devriez me le dire. C'est pas toi. Ouais, c'est pas toi. Ah, non. C'était pas toi. Hey. Merci Sébastien Viatin. Ben de rien. On te retrouve la semaine prochaine, là. On va reprendre la récurrence régulière tous les mercredis matin à 7h30. Oui. Pour notre chronique du bulletin Gartin. Oui. Merci. À part sur ton malade, là. Ouais. Pas il est pas ça, malade, il est juste. Il va, peut-être qu'on va devoir l'amputer d'ici la fin de la journée. Je sais pas pour le reste de la journée comment. Parce que ça commence à faire plus mal plus le temps avance. C'est ce que je pense. C'est parce que ça gèle, Mathieu. T'as mis de la glace. Non, dessus. T'es drôle. Je me suis planté. Faut que t'alternes chauffe-froid. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Ça fait plus que 10 minutes aussi. Ouais. Ouais, faut que j'arrête. Ouais. Bref. Merci encore. Ça fait plaisir. Pour tes conseils. Merci de l'invitation, mon Dieu. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On prend une pause et au retour, Tania is gonna entertain. Toujours à son âge requis en ce mercredi 8 mars 2017 à l'Italia Baudin. Et Mathieu Plante. Mathieu Plante, on va le dire, pour vrai, là, j'ai pas été capable de mettre mes écouteurs et je suis fait fort en tant que tel. Ouais, je sais. D'habitude, je le ferais, là. J'ai pas été capable. Ça fait mais veux-tu qu'on t'appelle l'ambulance? Non, mais ça va. Hein. On va finir l'émission. Il hein. Okay. Y a du monde qui vont faire des chroniques et qui vont prendre tout le temps qu'on a pour. Okay. On va juste placoter plus longtemps. C'est bon. On verra ce que ça donnera. Mais pour l'instant, on va écouter du Aquaserge. Oui. Tu t'appelles que j'aime leur nom. Oui. La chanson est un genre. Tout à fait. On parle de Tour du Monde. Ben oui, puis on écoute ça. Puis avec une main, je vais faire ça de même, puis ça de même, puis ça va partir. Et voilà. Il n'y en a pas de problème. C'est ça, c'est une chance que j'ai des gens pour me sauver aujourd'hui. Tania est venue me mettre les écouteurs sur la tête. Ça n'a aucun sens. Ouais, bien, je crois qu'on va perdre Mathieu Plante un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ouais. On a notre chroniqueur Sébastien Guertin qui vient de quitter, mais qui va revenir, qui va faire l'ambulancier. Aujourd'hui, il va aller mener Mathieu à l'urgence. C'est n'importe quoi, sérieux. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, fallait pas mettre des sneakers en plein hiver. Apparemment que non, pas aujourd'hui. Bref, sachez-le, c'est extrêmement glissant aujourd'hui. Oui, faites attention, s'il vous plaît. Là. On l'a dit tout à l'heure, c'est de l'eau, mais en dessous de l'eau, il y a beaucoup de glace. Ouais. Donc, faites attention. Si vous tombez, essayez de tomber comme il faut. Oui, c'est ça. Faites pas comme Mathieu. C'est ça. Bref, maintenant, c'est Tania is gonna entertain. Je suis capable de chanter, je pense. Ben oui. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dance. Tania Baudin. Bon matin. Tu seras pas avec nous jeudi matin, demain, donc non. Pour nous. Donc, tu nous fais une petite chronique sur l'actualité. Oui, tout à fait. Peut-être que demain, je vais passer un coup de fil, tout dépendant de la situation à laquelle Mathieu va se retrouver. C'est exactement. Ça, exactement. Parce que je vais être en direction, en fait, d'un événement dont vous allez entendre parler mercredi, le 15 mars, lorsque je vais revenir. Parce que ça va être le retour de l'émission En Piste avec Tania Baudin. Donc, en fin de semaine, je m'en vais pour l'émission. Donc, manquez pas ça, la première qui va revenir de En Piste avec Tania Baudin dès le 15 mars. Et non, c'est pas un voyage payé par ses fous. Juste non. C'est vraiment pas le cas. Non, je tiens à vous le dire, oui. Tout ce qu'on couvre ici, sachez que ce n'est pas payé par ses fous. Exactement. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter justement le tour de mon actualité, ce qui a retenu mon attention un petit peu dans les divers médias cette semaine. Parce que j'allais pas être là demain et en temps habituel, c'est ce que je présente le jeudi. Donc, en faisant quelques recherches un petit peu tout au long de la semaine et hier soir, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets justement dont je voulais discuter. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment très, très diversifié. On va passer du techno à la santé, au divertissement, à l'économie. Donc, vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. Et je vais commencer avec un article du Devoir qui a titillé mon attention un petit peu. Et c'est le programme de cyber piratage de la CIA qui a été exposé par WikiLeaks. Oh. Donc, on sait WikiLeaks, c'est un site Internet qui, justement, expose une couple de trucs comme ça. Ils sont spécialisés, entre guillemets, dans ce genre de choses-là. Donc, c'est une fuite qui fait état des moyens qu'utilisent les agents secrets des États-Unis et la plateforme WikiLeaks consacrée justement aux fuites d'informations en remet des masses et ont divulgué l'ampleur des nouveaux moyens des agents secrets états-uniens de l'ère numérique parce que on s'adapte aussi du côté de la sécurité internationale, là, que ce soit la CIA, la LSCRS ici ou encore du côté de l'Europe. C'est sûr qu'avec l'ampleur d'Internet et du numérique, on a comme pas le choix, on fait quelques changements. Donc, la branche centrale de la Central Intelligence Agency, la CIA, qui est responsable du cyberespionnage, emploie maintenant plus de 5000 personnes et elle a mis au point plus d'un millier de systèmes et de logiciels de vraiment de tout genre pour espionner le monde entier, y compris les citoyens américains. On se rappelle, si vous écoutez les chroniques assez fréquemment, on a déjà discuté du film Snowden qui met un petit peu justement de l'avant ce que la CIA fait pour le cyberespionnage, pour justement la sécurité des Américains. Avec la célèbre chanson, là, Let it Snowden, Let it Snowden. Oui, exactement. Ouais, c'est celle-là. Mais il y a des dossiers qui ont été diffusés mardi matin qui expliquent, par exemple, comment les espions vont utiliser ces fameux appareils-là, c'est-à-dire les appareils qui vont être branchés comme les téléphones, les téléviseurs, pour surveiller leurs utilisateurs. Là, on s'entend, si vous êtes T-Joe Bin, là, au bord de la rue, que vous êtes au secondaire et que vous faites pas une menace de mort à personne, il y a de très... Il y a de très, très minces chances que vous soyez espionné par la CIA, là, ne vous inquiétez pas. Même, il y a des logiciels de cryptage de messages, dont par exemple un logiciel qui s'appelle Signal, qui est très, très prisé des journalistes d'enquête, qui peuvent être contournés par ces agents-là. Et il semble aussi possible de prendre le contrôle de véhicules qui sont connectés, donc les fameux véhicules autonomes qu'on va voir un petit peu plus sur la route, pour justement provoquer des accidents à distance et maquiller des assassinats qui sont... à un certain point obligatoire, j'ai goût de dire, encore une fois avec les petits guillemets, on s'entend. On est loin de James Bond et tout ça, c'est quand même la réalité du côté de la CIA. Mais la fuite massive révèle que le consulat américain à Frankfurt est utilisé comme quartier général justement de l'espionnage pour mettre sous écoute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et les maîtres espions du cybermonde ont travaillé souvent pour des sous-traitants de la CIA. Donc, on utilise des passeports qui sont diplomatiques, qui ne peuvent pas être inquiétés au passage des frontières. Et le coulage de masse de Wikileaks réalisé sous le nom de code Vault 7 diffuse 8761 documents qui ont été produits en 2013 et 2016 par justement le Center of Cyber Intelligence, qui est une branche du CIA. Donc, on appelle ça le CCI. Et il s'agit d'un bras, comme je le disais, de la CIA, qui est un organisme américain de collecte de renseignements et de contrôle des opérations clandestines qui opère normalement à l'extérieur des États-Unis. Donc, il faut comprendre à qui est-ce que ça profite, ce fameux coulage-là de l'information qui a été fait par Wikileaks. En fait, les révélations de Wikileaks constituent pas vraiment une surprise pour ceux qui baignent justement dans le domaine du renseignement ou pour ceux qui ont un intérêt à savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ou ceux qui écoutent la télévision assez couramment, parce que ce sont des choses dont on entend assez parler maintenant rendu en 2017. Mais on est pas mal convaincu que les adversaires des États-Unis, donc par exemple la Russie ou la Chine, connaissaient déjà des techniques de surveillance. Ils les utilisaient probablement même avant nous. Et c'est ce qu'a dit au Devoir Frédéric Lemieux, qui est professeur du département de sociologie de l'Université de Georgetown à Washington, qui est spécialiste des questions de sécurité et de cybersécurité. Souvent, par exemple, ce qui va arriver, c'est que les espions qui vont suivre des cibles en ligne vont se rendre compte que leur adversaire les espionne aussi. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut observer leur technique de surveillance par la télé ou par le téléphone. Et c'est de cette façon-là qu'on va se rendre compte que nous aussi, on est sous surveillance du côté de la CIA. Donc, les agents, en fait, la plupart du temps, vont utiliser ces techniques-là pour être certains que leur cible et les gens qu'ils enquêtent n'enquêtent pas déjà sur eux. Et le moment choisi pour révéler les dossiers chauds au public paraît un petit peu plus significatif parce que les activités de l'agence de renseignement semblent couvrir le territoire et les citoyens américains, et il semble y avoir une volonté de discréditer la CIA aux yeux de ceux qui défendent le droit à la vie privée, les autres libertés fondamentales. Donc, c'est un petit peu les questions qui sont relevées. Qu'est-ce qui se passe avec notre télévision? Qu'est-ce qui se passe avec notre webcam sur notre ordinateur? C'est un petit peu ça que la grande population des États-Unis trouve étrange. C'est que, oui, n'importe qui peut être mis sur surveillance. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pour la sécurité des gens et que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'allez pas être surveillé. Voilà. Ne vous inquiétez pas. T'sais. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. C'est sûr que c'est un dossier qui va progresser, surtout avec la CIA, surtout avec Wikileaks. Mais je pense que rendu en 2017, ce genre d'information-là, c'est quasiment de l'information, je veux pas dire banale, mais c'est de l'information à laquelle tout le monde s'attend. Oui. Je pense pas que ce soit une grande nouvelle pour personne que le gouvernement ait une possibilité de surveiller qu'est-ce qui se passe dans la maison de quelqu'un si c'est une cible pour justement la sécurité nationale. Et je crois pas non plus que ce soit une si grande surprise que de voir que ça peut bénéficier à certains des ennemis des Américains de savoir ce genre d'information-là, parce que par la suite, on va tout simplement aller essayer de chercher une façon de se protéger du côté des ennemis. Et c'est peut-être ça qu'on veut éviter aussi. Donc, ça peut être une mauvaise chose d'avoir leaké ces informations-là de la part de Wikileaks. Ouais. Mais bon. Tout à l'heure, je parlais qu'on allait discuter aussi économie. Bien, un petit peu plus près de chez nous, Gaz Métro a fait un pas de géant. Pardon, dans le domaine solaire, Gaz Métro a fait une transaction qui est structurante et qui a des coûts quand même assez modestes, qui va permettre de croître aux États-Unis dans l'énergie solaire et potentiellement dans d'autres filières énergétiques. Donc, on sait, le côté solaire, là, c'est à la mode, c'est l'énergie pure, c'est l'énergie qui est naturelle, c'est un petit peu vers quoi se penchent beaucoup de gens, que ce soit ici au Canada ou que ce soit encore dans le nord des États-Unis. La société montréalaise met la main justement sur Standard Solar au coût de 17 millions de dollars américains. On aurait pu croire que ça valait beaucoup plus, mais c'est un bon coup de l'avoir fait à ce prix-là. Et l'entreprise du Maryland est spécialisée dans le développement l'installation et le financement de systèmes solaires qui vont être photovoltaïques d'usage commercial. Donc, on va essayer d'intégrer ça du côté de nos commerces pas mal plus que du côté de nos propres maisons. Et elle est présente déjà dans plusieurs États américains, entre autres la Californie, le Nouveau-Mexique et Massachusetts. Donc, Gaz Métro est déjà active dans le solaire, entre autres au Vermont. On a une entreprise qui est une filiale qui est le Green Mountain Power. Donc ça appartient à Gaz Métro déjà. Et il y a des parcs solaires qui ont une capacité de 30 MW pour le moment. Et ça fonctionne très bien. Donc c'est pourquoi on a décidé d'investir un petit peu encore une fois de ce côté-là. Et l'achat de Standard Solar va permettre à la société montréalaise d'accroître sa présence dans l'énergie solaire. C'est quelque chose que l'on veut. Il y a beaucoup de compagnies qui justement se tournent vers ce genre d'énergie-là, ce genre de domaine économique-là aussi, parce que ça peut rapporter à un certain point quand même beaucoup d'argent. Et c'est un créneau qui est en forte croissance. Donc, petit investissement pour eux, pour beaucoup d'argent plus tard. Exactement. Donc, en 2015, la capacité solaire aux États-Unis, totalisait 2 % Si on se met un petit peu dans l'état du futur, en 2040, on devrait atteindre 29 % selon Bloomberg New Energy Finance. Et en entretien avec quelques journalistes, bien la présidente et la chef de direction de Gaz Métro, Mme Sophie Brochu, a expliqué que la transaction va permettre à Gaz Métro de faire un grand bond justement dans le monde du solaire, dans le monde de l'énergie solaire, mais à un faible coût. Ce qu'on veut, en fait, c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas investir des milliers et des milliers de dollars pour que ça nous revienne par la suite, parce qu'à ce moment-là, on serait quasiment perdant. On y va à faible coût et ce qu'on va pouvoir arriver à faire avec l'énergie solaire va être assez monétairement renouvelable par la suite. Donc, c'est des prix qui sont pour entrer et qui sont modestes selon tout. C'est une beauté de la transaction selon Mme Sophie Brochu. Et ce qu'on acquiert dans le fond, c'est l'expertise d'une équipe pour Gaz Métro. C'est qu'on va aller chercher des experts, on va travailler sur cette technologie-là et on va surtout travailler à pouvoir l'investir ailleurs. Donc, on va investir des dizaines de millions de dollars quand même. On va essayer de déployer cette stratégie-là une plus grande échelle. Et actuellement, Standard Solar a 80 000 projets dans ses cartons qui sont prêts à être construits selon Gaz Métro. Et ces projets pourraient nécessiter des investissements de plus de 150 millions de dollars US. Mais c'est un investissement qui, on le rappelle, ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est un investissement qui va se renouveler. C'est un investissement qui va être bénéfique pour tous parce que c'est une énergie qui est renouvelable. C'est une énergie qui est propre. Alors, on ne peut pas vraiment être perdant dans le monde de l'énergie solaire, du moins pas pour le moment parce qu'il n'y a pas personne qui a réussi encore à prouver que c'était une mauvaise chose que d'investir dans l'énergie solaire. Donc pour Gaz Métro, je pense que c'est pour la société montréalaise, c'est une bonne chose que d'avoir fait ce move-là, encore une fois, à un coût qui est quand même assez modeste pour une entreprise comme celle-là. À Gaz Métro, s'ils veulent percer aux États-Unis, tu sais, Gaz Métro, personne ne comprend ça, appelez ça Fart Subway. Le nom, Gaz Métro. Tu vois, je l'avais pas vu comme ça, mais t'as une pas pire idée. Traduction littérale. Exactement. Encore une fois, du côté économie, bien tout à l'heure, on disait, OK, on parlait de la Californie, tout ça, on s'est rapproché un petit peu plus nord des États-Unis et Canada. Mais là, on va vraiment parler de l'économie canadienne parce qu'on va être beaucoup plus performant que prévu en 2017. C'est l'Organisation de coopération et de développement économique qui a prédit que l'économie canadienne va afficher une croissance de 2,4 % cette année. C'est une performance qui est légèrement supérieure à ses prédictions précédentes. Et surtout, elle est égale à ce qui est anticipé aux États-Unis, ce qui est une très bonne chose parce que ça fait quelque temps qu'on n'est pas vraiment très, très égal à l'économie des États-Unis. Donc, je pense que le fait d'avoir élu Donald Trump au pouvoir aux États-Unis va nous bénéficier du côté économique. Merci beaucoup. Mais le bon côté des choses. C'est ça, exactement. C'est une organisation parisienne qui attendait auparavant une croissance de 2,1 % de l'économie canadienne. Cette année, qui va maintenir justement ses prévisions de croissance pour la planète à 3,3 %. Donc, l'organisation de coopération qu'on appelle aussi l'OCDE a également relevé ses précisions à l'endroit de plusieurs économies mondiales, entre autres les États-Unis, la Chine, mais on laisse à 3,3 % notre cible de croissance pour l'économie mondiale. Donc, on n'est pas si loin à 2,4 % versus l'économie mondiale. Ça va être une chose qui qui va pouvoir nous bénéficier en 2017. Et le niveau de confiance s'est amélioré, mais la vigueur n'est pas au rendez-vous, ce qui a trait à la consommation ou au commerce, ainsi qu'à la productivité. Donc, on va devoir travailler fort de ce côté-là, du côté du Canada. Et l'organisation croit que l'économie canadienne va être appuyé justement par des croissances, des exportations. On va aussi parler d'une amélioration du marché pour les matières premières et l'intervention du gouvernement. On s'inquiète parfois de la croissance rapide du prix des maisons au Canada parce que c'est quelque chose qu'on voit baisser souvent. Le marché ici pour les maisons est quand même assez différent de celui des États-Unis, on s'entend. On semble avoir une espèce de déclin pour l'achat de maison. On semble vouloir plus mettre notre argent de côté pour pouvoir voyager, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer du côté de l'économie avec les maisons? Ça, c'est un petit peu inquiétant pour l'organisation, mais on parle aussi du même conflit dans d'autres endroits dans le monde, entre autres en Australie, en Suède et au Royaume-Uni. Donc, c'est quelque chose qui devrait quand même s'égaliser, mais ici, pour nous, pour notre économie, l'achat de maison, c'est une inquiétude pour l'organisation, l'Organisation de coopération et développement économique. Voilà. Et c'est l'Allemagne qui va prendre le troisième rang avec une croissance prévue de 1,8% pour son PIB. Donc, l'économie américaine devrait avancer de 2,8% pour l'an prochain. Mais quand même, on voit une économie canadienne qui va être beaucoup plus performante en 2017. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a déjà vu beaucoup de gens des États-Unis essayer de rentrer au Canada. Donc, veux pas, à un certain point, si ces gens-là réussissent à rentrer ici et si on réussit à faire les choses dans les bonnes normes, mais peut-être que ça peut juste bénéficier à notre économie canadienne. Ouais. Faut y penser. Si on se penche du côté de la santé maintenant, c'est un article de la presse qui a retenu mon attention parce qu'on parle souvent de l'allergie à l'arachide. C'est quelque chose qui est assez commun. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent et il y a plusieurs personnes aussi qui en sont décédées, malheureusement. C'est pas tout le temps quelque chose à laquelle on pense. Si, par exemple, on rencontre quelqu'un, on a mangé du beurre de peanut ou peu importe, mais c'est quelque chose qui est quand même assez agressif comme type d'allergie et on parle d'un timbre qui va être prometteur contre cette fameuse allergie-là. Donc, c'est une firme française de biotechnologie qui s'appelle DBV Technologies qui a mis au point un premier timbre efficace contre l'allergie à l'arachide. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'un timbre pour arrêter de fumer. Exactement. Donc, selon les derniers résultats d'une étude clinique qui a été présentée en fin de semaine aux États-Unis, il y a une approche qui est très prometteuse contre d'autres aussi allergènes alimentaires, donc par exemple que ce soit le lactose ou le gluten. Et c'est un timbre épidermique qui est appelé Viaskin, qui a permis de réduire de 98% le risque de choc allergique exacerbé qui pouvait être mortel. Donc, on a fait des études quand même assez poussées et on montre un essai clinique de phase 2 qui a été mené pendant plus de 2 ans dans un groupe de 171 patients de 4 à 11 ans. Et ensuite, on a fait un suivi de plusieurs mois avec 28 de ces participants-là. Et on est estimé qu'aux États-Unis, il y a 2% des enfants qui sont allergiques à soit des cacahuètes ou qui ont des allergies alimentaires la plus fréquente dans le pays où la population est justement friande de cet aliment-là. Il y a beaucoup de gens aussi ici au Canada ou au Québec qui mangent des arachides, qui mangent des peanuts. Donc, cette allergie-là est de plus en plus aux alentours de nous et est très, très présente. Et le nombre a augmenté de 50% depuis la fin des années pas 60, depuis la fin des années 1990. Wow. Donc, c'est ce qu'ont déterminé le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Et en France, la prévalence de cette allergie-là représentait 0,3% à 0,75% de la population. Donc, c'est quand même assez drôle de voir la grande différence qu'il peut y avoir entre la France et nous ici. Et ce sont des résultats qui sont extrêmement encourageants parce qu'il y a 83,3% des participants qui ont pu, justement, décupler la quantité d'arachide qu'ils pouvaient consommer avec ça. C'est un timbre qui pourrait en faire sourire quelques-uns. J'ai hâte de voir si ça va être mis sur le marché assez rapidement. Mais il s'agit du premier timbre de désensibilisation et de guérison à une allergie alimentaire. Donc, ce qu'on peut en faire par la suite, c'est assez vaste comme domaine. On peut très bien essayer de le mettre sur d'autres allergies alimentaires ou d'autres types d'allergies tout court. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut faire. Sky's the limit. Exactement, c'est une très belle percée du côté de la santé. Tu pourrais manger ces patchs-là, puis peut-être englober ton estomac. Là. Peut-être. Ah, ouais. Oh, peut-être. J'y avais pas pensé, mais maintenant que t'en parles. on va aller du côté de l'automobile cette fois, plus précisément du côté de la course automobile, parce qu'il y a plusieurs essais qui sont en train de se passer à Barcelone du côté de la Formule 1, et ce sont les nouvelles voitures de Formule 1 qui semblent être beaucoup plus exigeantes, mais qui semblent plaire aux pilotes quand même. Donc, même si on s'en trouve meurtri un petit peu, Lewis Hamilton adore la façon dont sa nouvelle Formule 1 demande justement de son comportement en piste. Ça change beaucoup de choses, entre autres cet aspect-là qui est le comportement en piste. Et si avoir un peu de douleur et le prix à payer pour obtenir un petit peu plus de vitesse, eh bien Hamilton et les autres pilotes de Formule 1 sont heureux de pouvoir contribuer à ce genre de développement-là. C'est sûr que pour les nouveaux arrivants, comme par exemple Lance Stroll, le Québécois qui se retrouve en Formule 1, c'est de devoir gérer une toute autre voiture. Et Lewis Hamilton a dit récemment, plutôt la semaine dernière, que justement, Lance Stroll, s'il avait tant de difficultés avec les essais en Formule 1 cette semaine, c'est que la voiture est pas mal plus exigeante que ce qu'elle était l'année dernière. Il arrive dans une ère où, justement, tout change et où tout est plus demandant au niveau de la voiture. Donc, c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation qui est extrêmement demandant pour le jeune pilote de 18 ans, Lance Stroll, mais on semble quand même faire des efforts, mais on semble quand même faire de bon temps de jour en jour, parce que ça fait déjà une semaine bon, qu'on est à Barcelone, qu'on réussit à faire des tests et on trouve que la voiture a un beau look. On adore aussi le fait que les pneus sont beaucoup plus larges et que le châssis aussi est plus large. Donc, on souhaite que les partisans vont apprécier ça. Et plus large signifie aussi beaucoup plus rapide. Donc, la largeur a été ajoutée aux pneus, aux ailerons, et on augmente bien évidemment avec tout ça l'adhérence du véhicule sur la piste. Et ça permet aux pilotes d'atteindre des vitesses qui vont être encore plus élevées. Et notamment dans les virages, on va avoir une meilleure grippe, comme on appelle couramment dans le monde de la course automobile. Mais on va avoir une meilleure grippe, ce qui va nous donner beaucoup plus de vitesse dans les virages. Et ces virages-là sont plus rapides, ce qui signifie une plus grande force G qui doit être absorbée par les pilotes tour après tour. Donc, on doit faire, encore une fois, une adaptation au niveau du pilote pour les forces G. C'est sûr que la plupart du temps, les pilotes qui s'y retrouvent depuis déjà des années, entre autres Felipe Massa ou Fernando Alonso ou encore Lewis Hamilton, sont des gars qui sont habitués à cette fameuse force G-là. Ça fait déjà des années qu'ils courent en Formule 1. Mais lorsqu'on est nouveau comme Lance Stroll, la force G entre une Formule 3, par exemple, du côté européen et une Formule 1 est déjà pas mal, très très grande, et là on augmente cette force G là encore une fois. Donc on va devoir bien évidemment faire des adaptations, et on doit faire aussi des changements à comment est-ce qu'on va faire en sorte que notre voiture va rester en piste et comment est-ce qu'on va se comporter en piste avec le véhicule de la part du Québécois. La Formule 1 à Barcelone, il devrait appeler ça la Barcelone. Ce serait pas pire. Barcelone. Ça serait pas pire du tout. Mathieu, on entend de plus en plus parler du film, le fameux remake La Belle et la Bête. Oui, Emma Watson. Exactement, Emma Watson, qui est une féministe très, très avouée, oui. Et qui fait avouer beaucoup d'autres féministes aussi, mm-hmm. Et qui vient toucher les plus jeunes avec ce film-là. Et les moins jeunes aussi, parce qu'on a tous aimé ce film-là étant petite fille. Non. On veut tous voir le remake. Mais c'est la Russie, en fait. C'est un dessin animé, t'es pas supposé aimer les dessins animés, t'as dit. Ouais, mais c'est La Belle et la Bête. OK. Puis là, c'est en vrai. Ouais, je sais. C'est pourquoi j'aime le remake. Ouais. Voilà. Mais La Belle et la Bête, j'ai toujours adoré. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire... Russie. C'est la Russie qui fait parler avec La Belle et la Bête cette semaine, parce qu'on a interdit le film au moins de 16 ans. La nouvelle version du film de Disney, La Belle et la Bête, que va continuer de faire réagir encore quelques temps, parce que la Russie a décidé mardi, du moins on l'a annoncé mardi, que le long métrage va être interdit aux moins de 16 ans. C'est le réalisateur de l'adaptation du film d'animation de 1991 qui a révélé ça dans une entrevue au magazine britannique Attitude, que justement, le monsieur qui s'appelle le fou dans le film, qui est interprété par Josh Gad, fidèle compagnon de Gaston, s'interrogerait sur ses sentiments amoureux envers son maître. Ça a été annoncé un petit peu partout. Là. C'est la première fois qu'une production de Disney montre un personnage comme ça qui va démontrer une attirance vers une autre personne du même sexe. Et le député russe ultra conservateur, Vitaly Milonov, avait demandé samedi au ministère de la Culture d'interdire le film s'il faisait justement l'apogée de la sexualité là-dedans. Et selon Vitaly Milonov, qui est connu entre autres pour ses propos homophobes, disons-le, bien, La Belle et la Bête véhicule une propagande flagrante et éhontée du péché et des relations sexuelles perverses et vise même à imposer les nouveaux modèles de tolérance européenne aux enfants russes pour qu'ils croient que c'est la norme. Donc, à cause de ça, on a décidé du côté de la Russie d'interdire le film aux moins de 16 ans parce que justement, ce personnage-là allait s'interroger sur ses sentiments envers son maître. En juin 2013, le Parlement russe a adopté une loi qui interdit la diffusion de la propagande gay auprès des mineurs malgré les protestations de nombreuses associations. Et dans les faits, la Russie empêche les manifestations pro-LGBT dans l'espace public, tant dans la rue que sur Internet ou encore au cinéma. Et c'est à cause de cette loi-là que malheureusement, La Belle et la Bête va être interdit aux moins de 16 ans en Russie. Je trouve ça un peu vraiment très stupide. Hein, ils veulent vivre dans le passé, hein? Exactement. Bon. Mais bon. Et je termine, Mathieu, sur une nouvelle qui peut être vraiment très bien reçue, comme elle peut être moins bien reçue. Ça dépend à quel point vous aimez l'alcool et le vin. Mais il y a le plus grand festival de vin et spiritueux du Québec qui va débarquer dans la grande capitale nationale ce printemps. Donc, on sait, c'est comme la saison des festivals, là, ces temps-ci, il y en a comme une trentaine que vous pouvez faire durant le printemps. Mais à tous les deux ans, depuis 2009, la Ville de Québec accueille le Salon international des vins et des spiritueux de Québec. Et cette année, l'événement promet d'être vraiment très, très immense. Ça devrait être le plus gros événement de ce genre-là de toute la province. Et on a un total de 75 000 pieds carrés sur un agrandissement de 20 000 pieds carrés pour une centaine d'exposants qui vont vous présenter leurs produits. Donc, si vous êtes du style à apprécier un salon des vins, on sait ici à l'UQTR, on en a un à cause des Patriotes, à cause de la fondation des Patriotes de l'UQTR. Mais là, avec ce salon des vins-là, ou ce grand festival de vins-là, vous pouvez vraiment goûter à tout, mais aussi aux spiritueux. Donc, même si vous n'êtes pas le plus grand fan de vin, mais vous allez y trouver votre compte quand même, parce que vous allez trouver des bulles, vous allez trouver du cidre. Vous allez aussi un terme technique, ça, hein? Exactement. Bulles. Les bulles. Vous allez trouver de la bière, vous allez trouver aussi d'autres spiritueux et il va y avoir des apéritifs. Par exemple, le whisky, la vodka. Du brandy. Ça va vous être offert en dégustation. Donc, vous allez pouvoir choisir entre 1500 différents alcools à ce festival des vins et spiritueux. On va manquer de temps, là. Et je ne comprends pas comment je ne savais pas déjà ça. Ça me titille l'intérêt d'aller faire un tour à Québec ce printemps. Yay. Voilà. Cool! Merci, c'est tout. Tania. Hey, ça fait plaisir. Un beau petit tour de l'actualité comme ça en ce mercredi matin. Jeudi, tu vas être absente pour aller couvrir ton événement de course de hall. Exactement. Tu vas pas lundi, mardi non plus, donc on va se retrouver mercredi prochain. Une semaine sans toi. Mercredi prochain, je le dis là, tout de suite. Là. Je pense que ça va me prendre plus fort que du café. Genre un Red Bull. Ah ouais? Oui, probablement. On revient dans la nuit de mardi à mercredi. Et on change d'heure. Tout pour te nuire. Exactement. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna entertain ya. On prend une pause. Au retour, invité spécial, on va recevoir Frédéric Simon pour Dans les coulisses de la lutte. Très restez. C'est mercredi 8 mars 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Bonin est partie voir qu'est-ce qui se passe parce qu'apparemment qu'il y a une alarme qui sonne dans le pavillon, mais il n'y a pas de son d'alarme. C'est juste la lumière du studio qui flash pour nous dire qu'il y a une alarme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit continuer l'émission? Est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Là, on a demandé évidemment à Tania, va dans le corridor. si jamais quelqu'un tire, c'est ben ça. Désolé. Bon, ça, il faut pas sortir nous autres. Oh, oui, Tan? Je reviens de la chasse-galerie, ça flash aussi là-bas. Okay. Mais on semble pas savoir quoi faire pour le moment. On va appeler au poste de garde. Ouais, je pense qu'on va, on devrait faire ça. Pendant une petite chanson, juste pour être prendre nos précautions, ça pourrait arriver que ce soit quelque chose de dangereux, donc on n'est pas pour commencer quelque chose qui va durer une demi-heure. Donc allons entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone, c'est Napalm Palm. Voici Get Love à Assemblage Rocky. Et après ça, dans les coulisses de la lutte, si tout va bien. Chercher de l'amour! Get Love de Napalm Palm à Assemblage Rocky. Maintenant, toujours avec Tania Bona qui est de retour pour vrai. Oui, oui, je suis allée à l'information. Semblerait qu'il y a un détecteur de fumée quelque part dans l'UQTR qui est parti. C'est pour ça que ça flash partout, mais notre pavillon est correct. OK, cool. Merci pour l'information. Ça fait plaisir. Et merci aussi au service de sécurité de l'UQTR. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est dans les coulisses de la lutte. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah, oh. C'est dans les coulisses de la lutte, la chronique d'improvisation. Et cette semaine, malheureusement, notre bon ami Xavier McLeish n'est pas là. Il est en semaine de relâche, mais Colin, notre sauveur, on n'a que des sauveurs aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est Frédéric Simon qui est là. Salut Frédéric. Bon matin. Et comment allez-vous, monsieur? Ça va bien. Ah, cool! Toi qu'on connaît évidemment pour l'émission Matière Noire tous les mardis soirs. Oui. Et des fois de jeux vidéo sur Twitch. T'as même ton chandail du LANETS. Oui, en effet. Le No Reset de la Fondation Mr. Lee. En effet. Donc, tu es là pour nous parler plus de bonheur que d'habitude, hein? Ouais, faut pas trop déstabiliser. Oui, en effet. Ben, beaucoup plus de bonheur. C'est 9h le soir, mais Matière Noire. Puis bientôt, en fait, le 15, on va commencer avec toi, Mathieu Plante, pour les chroniques. OK, oui, je sais comment ça peut. Ah ouais, il y a eu des gros yeux pendant un instant. Je participe à Matière Noire, moi, mes connaissances douteuses en métal. Non, c'est vrai, on va t'avoir au Mathieu Plante Show à partir du 15 mars pour parler de jeux vidéo en général. Mm-hmm. C'est une spécialité sur... En fait, un peu comme Sam, j'aime beaucoup le jeu rétro, mais je vais un peu parcourir l'ensemble des jeux vidéo, dont la semaine prochaine, ma chronique sur la Switch avec Zelda Breath of the Wild. Ah, que j'ai tellement hâte d'entendre parler de ça. On songeait à appeler, parce qu'on cherchait un nom pour ta chronique. Tu vas pouvoir en trouver un toi-même, là, mais on pensait à d'un autre gamer à un autre. c'est pas fou. Bref, mais t'es pas le remplaçant de Samuel, et Samuel est pas là, non, mais quand même. tu vas quand même prendre le spot qui était vide, parce que Sam est là aux deux semaines, Samuel Girard au Massive Plancho. Bref, à partir du 15 mars, ça va être mal fun. Mais la raison pour laquelle t'es avec nous aujourd'hui, c'est pour parler des matchs d'improvisation du moment. Il y en a eu un lundi soir, un match avec le climax du collège La Flèche. Oui, puis on pouvait s'y attendre avec le match qu'on a eu l'année dernière. C'est un match très rythmé, très enlevant. L'année passée, en fait, tout le monde s'est retrouvé en chess ou moi en boxeur. C'était celle-là, ça. C'était celle-là. D'ailleurs, Céline Dedico s'était fait expulser du match pour un décrochage majeur. Ben, c'était bien embrassé à commande, c'est normal de décrocher. Oui. J'ai décroché moi aussi, d'une autre façon. Mais en fait, elle a été expulsée sur un impro dans lequel elle s'est retrouvée désemparée avec une réplique de Fred Bernard qui lui avait dit « Ah ben, je suis en Nouvelle-Zélande, je te laisse, bye! » Après 15 secondes de l'impro, le punch était déjà donné, puis il y avait comme 1 minute 45 encore à faire. Mais bon. Ah, on s'ennuie Frédéric Bernard. Oui. Qui est maintenant sous les cieux de Montréal. Absolument. Mais maintenant, parlons du match de lundi. Mm-hmm. Encore une fois, un match très rythmé. On a commencé en force avec improvisation, haute tension, avec Marc-André Fortin qui faisait un superbe professeur d'électricien. Et le gars qui étudiait, qui était déjà un maître, mais en faisant des choses de base. Oui, de père en fils. Il faisait juste genre, ah ben tu sais, ça c'est un panneau électrique. Là, le professeur était comme, ben voyons, t'es électricien, tu connais ça. C'est parfait. Avec des superbes notes lancées au hasard comme ça au travers de l'improvisation. Ça en est suivi, je crois, la meilleure impro, à mon avis, de la soirée, où c'était une impro « Et si tout le monde était heureux? » L'impro de la lutte a été très bien ficelée, alors qu'il y a eu un cambriolage, mais que le banquier était tout à fait heureux de remettre l'argent et les policiers tout à fait heureux de procéder à l'arrestation. Toujours drôle, ça. Des situations invraisemblables comme ça. En fait, les deux premières improvisations ont commencé sur de l'ironie ou du contraire de la vérité, ce que j'aime beaucoup en improvisation. Ça en est suivi une suite d'improvisations qui ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éclats, de fou rire. Il n'y a pas eu beaucoup de pénalités, par contre, dans le match qui était habité par Francis Digré-Lampron. Remplaçant, encore une fois, pour la semaine de relâche, on a eu plusieurs remplaçants. Assistante DJ, on a eu assistant arbitre et on a eu assistante photographe. Je pense que ça fait le tour pour les remplacements. C'est beaucoup de monde qui n'était pas là. C'est beaucoup de monde. Et ce sera encore le cas jeudi, probablement, parce qu'on a un nouveau match jeudi. On en parlera un peu plus tard. Tout à fait. Finissons celui-là avant. Hein? D'autres impros qui ont été très bien faits, condamnés à l'excellence, ou encore l'impro TNM, une catégorie que j'aime beaucoup. Alors, ils doivent présenter une blague à la façon du TNM, donc avec beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de personnages. Des grands textes, oui. Et je me rappelle qu'une des deux blagues, c'était le climax, évidemment. C'est des étudiants au collège La Flèche. Et leur blague, c'était d'une blague de bébé mort, là. Non, en fait, c'était la blague de la huître. Sérieux? La blague du climax, c'était avec le patinoire ouvert. Ah, patinoire! T'as raison! Ben donc, les immatures sont à l'huître, c'est ça? Oh, tout à fait! Ah, ben j'ai vraiment pensé que c'est le contraire. Et j'ai le concept, en fait, que les immatures sont à l'huître. Oui, hein? Mais oui, encore une fois, une impro très bien ficelée. c'était William Baudouin qui jouait l'acteur principal de sa pièce du TNM avec la blague. Il était noir, en fait, il ne pouvait pas avoir accès à la patinoire. Et il demande à son père de se faire peinturer en vert, mais il peut pas plus y aller parce qu'elle est ouverte. Non. Patinoire ouvert. Ben oui. C'est un excellent gag. Oui, c'est très bon. Mais j'ai jamais vu patinoire ouvert sur une pancarte. C'est souvent ouvert. Ouais, c'est ça. Ouvert l'hiver, peut-être. Peut-être. Peut-être. Ah, pas ouais. Fou, ça. Mais ça serait ouvert l'hiver, pareil. Tout à fait. C'est une patinoire quand nous même. Nous sommes ouverts l'hiver. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Patinoire, nous sommes ouverts. C'est ça. Bref, c'est... Hey, on va pas suranalyser un gag. Là. Quand même. Hein, on n'est pas au réseau des sports, je sais pas trop quoi, où on doit passer une heure à analyser chaque affaire, là. Hein? Une autre impro très forte de la soirée, c'est l'impro des personnages voilés, dans laquelle quatre joueurs se sont vus imposer un personnage dont ils n'avaient pas le secret de l'identité. C'est pareil comme le jeu Heads Up, là, l'application où tu te mets un nom dans le front. Puis et toi tu le sais pas et tu dois le deviner. On a trouvé des personnages qui étaient devinables aux trois quarts. Est-ce que tu parles de ton personnage? Ouais. Frédéric, Francis Villempro, pardon, a mis le nom de Mathieu Plante sur, je crois que c'était Julien Godard, un des joueurs du Climax, qui donc, eux, n'ont jamais vu de match de la lutte de leur vie, probablement, ou tu sais, presque pas. Mathieu Plante, c'est pas un nom connu pour eux, donc de devoir deviner Mathieu Plante, c'était difficile. Même avec les indices de, bon, fais des jeux de mots poche, t'as oublié ton micro, anime à la radio. Fait que le gars, à la fin, a deviné. Tu te rappelles ce qu'il a deviné? Un animateur de radio poche. Ouais. Oh mon Dieu, c'est dommage méchant. Là, j'ai dit, t'es dommage pas fin. Mais il savait pas que c'était moi, là. En plus. Tu sais? Fait que c'était pas contre moi, là. C'était contre les référents que les autres joueurs avaient donnés. Ouais, c'est sûr. Fait que je me suis pas senti trop attaqué là-dessus. Mais bon, j'ai trouvé que peut-être que ça aurait été mieux sur un autre joueur, ce nom-là. Hein? Probablement, mais Francis Grillampron fait pas les choses comme les autres. Ah, absolument pas. il a arbitré le match au complet avec sa veste d'arbitre. Sans chandail, donc la veste était dézippée jusqu'à peu près en dessous des tits. En chest. Terme technique, je pense. Ouais. Tout le long du match. Moi, j'ai dit, tu devrais continuer. Plus l'impro avance, plus le match continue, tu devrais baisser de plus en plus. Et à la fin, tu te dézippes à fly de tes jeans. Mais il l'a pas fait. Ah. Si on parlait de terme technique, tantôt c'était la grippe, mais là, il y avait la grippe sur son chest. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Une ouais, compression thoracique. Ah, ben oui. Bref. Donc, ça, c'était le match, l'impro voilé, c'était vraiment le fun. Oui, mais il y avait d'autres personnages. On a d'ailleurs pu voir Samuel Fortin qui fait un excellent Mr. Bean. Oh que oui! Avec ses mimiques. Au début, il parlait et là, il s'est fait dire « Mais là, t'es pas supposé parler, toi. » Il a compris tout de suite. Oui. Il y avait Marc-André Fortin qui a fait un étrange Pikachu. Oui. Il connaissait pas le Pokémon du tout, donc tout ce qu'il savait, c'était choc électrique puis Pika Pika, je pense. À peu près. Ouais. Puis, on a eu droit à un agressif Ricardo. Qui a été deviné sur le tard, mais qui semblait parler de cuisine quand même. Ouais. Donc, on l'a accepté. À faire plus souvent, ça, impro voilé comme ça. Oui, parmi les autres impro. On ne demande pas à Richard Martineau de venir dans le public parce qu'il se fait des voiles. Oh là là. On n'embarquera pas là-dedans, Mathieu. Non. On est léger, là. Déjà qu'il chiale parce qu'il y a une étude sur ses textes. Ouais, attention. Mais bon, parmi les autres impro, on a eu le héros d'Hyrule, dans laquelle c'est une catégorie qui a été inventée par le frère de Marc-André Marion Flamand, que Francis a décidé de rapporter à la lutte. C'est en fait le personnage n'a pas le droit de parler, mais les autres doivent considérer qu'il parle, comme Link dans Zelda. Oui, exactement. Et en plus, tu portais tes lunettes de soleil de Link. Mais c'est sûr, avec la sortie de Breath of the Wild, je me suis équipé en équipement de Zelda. C'est parce que freak! Je dois pas le voir avec sa blonde, avec son masque de Link pis d'exemple princesse. Ça, je garde ça pour ma chambre. Ouais, on en parlera pas en autre, on est léger. Hein? C'est ça. Pas trop rough à matin. Non. Le match est terminé par une zapping. Une zapping qui, habituellement, se termine tout le monde à terre sur la scène à la lutte. Ça bouge beaucoup parce que à chaque quelques secondes, l'arbitre siffle et on doit changer de situation en gardant la position physique que t'as. Oui. En fait, on part une nouvelle impro avec ce que t'as comme position physique. Et tu fais attention pour avoir des positions le fun à faire, parce que tu peux comme voir que l'arbitre est prêt, tu sais, mm-hmm. de siffler. Fait que tout le monde se time puis le prennent une pause le fun. Sauf que ça arrive aussi que on bouge pas parce que c'est une position qui est drôle. On fait une impro entièrement immobile. Mais l'arbitre siffle, il faut repartir quelque chose encore dans la même position. Difficile. On aime ça. Donc, les arbitres du match de lundi soir. Les arbitres, les étoiles. Les étoiles. Du côté du climax, on a eu, c'est William Baudouin qui remportait la palme qui a été remis par la Luitre. C'est le capitaine, c'est le moustachu. Le moustachu, William Baudouin. Moustache twisté, on dirait un vilain genre Wario, je sais pas trop quoi. Du côté. Du côté de la Luitre, le climax a remis l'étoile à Marc-André Fortin. Et l'étoile de l'arbitre est allée à Samuel Souki Charpentier. Ouh, du climax aussi. Du climax. Ah, c'est le fun de voir des joueurs remplaçants jouer. Encore une fois, les matchs spéciaux, on dirait, attirent les remplaçants parce qu'ils sont souvent soit des jours pas rapport, genre pas un lundi, ou bien une semaine de relâche, donc les gens sont pas disponibles. Et on a la chance de voir des Samuel Fortin, c'est de vrai. Voir des Jenny Gagnon-Pellerin. Bon, en fait, au sein de la lutte, on donne quand même la priorité pour les matchs spéciaux aux joueurs substituts vu qu'ils ne jouent pas nécessairement tous les matchs réguliers. Je savais pas ça. Donc voilà. Encore une meilleure chose d'abord. Meilleure chose. Très bien, j'aime ça. Donc voilà, le score ensuite. Pointage final de 9-6 pour la Luitre. Ouh, donc sur son terrain, la Luitre gagne. Est-ce qu'on va jouer au climax? Est-ce qu'on a déjà joué au climax cette année? Cette année, non. J'avais fait le match retour l'année dernière aussi. Peut-être dans les plans, on en discutera s'il y a une date disponible avec le climax. On verra. Pour l'instant, on est allé au Mythe à Shawinigan. Oui, si je me souviens. C'était le dimanche de la semaine dernière. Match très amusant d'ailleurs, j'y ai joué d'ailleurs avec la Luitre. Ouais, cool. Avec Alexandre Laremezouki, Magali Brousseau-Arcan et c'était qui notre quatrième joueur? Marc-André Marion Flamand d'ailleurs. Ah oui! Oui. Un autre substitut. Hey, cool. C'est le fun. Donc c'était le match de lundi soir. On parle du 6 mars, les Verts contre les Orans. Non, ça c'est février. 6 mars, le 8 contre le Climax. Ensuite, la semaine prochaine, 13. Voilà, je suis revenu dans le présent. 13 mars, Orange contre Bleu. Donc match régulier lundi prochain. Mais d'ici là, par contre, on doit mentionner, il n'est pas sur le calendrier. Il n'était pas supposé avoir lieu. là, il y a lieu. C'est la pire année pour le calendrier, mais on s'en fait pas avec ça. On vit dans le moment présent. Mm-hmm. On a un match spécial encore jeudi. Oui, ce jeudi, 20h à la Chasse-Galerie, même pas, sans fait. Ouais. On reçoit la Luitre, reçoit la Lille, mais en fait, c'est drôle à dire parce que je suis aussi de la Lille, donc je me reçois. C'est ça. Oui, la Ligue d'improvisation de Louisville, les environs, débarque à la Chasse-Galerie pour affronter la Luitre. Parmi les joueurs qu'on connaît pour la Lille, il va y avoir moi-même. Wow! Qui perd sa place de co-animateur pour un soir pour aller jouer pour la Lille. Rock Généreux aussi, qui est à Matière Noire avec nous. Mais sinon, c'est des joueurs qui ne sont pas à l'université, donc on les connaît moins. Mm-hmm. Pourtant, il y a Samuel Fortin, Marc-André Marion Flamand, Francis Grilampon qui sont aussi de la Lille, mais incroyable. Qui ne participeront pas au match. Sauf Marc-André Marion Flamand qui va jouer du côté de la Luitre. Oui, il a choisi son bord, lui. Il a choisi son bord, mais en fait, on discutait peut-être qu'Alexandre Marchand allait prendre sa place, mais on va peut-être laisser ça comme ça. On garde ça stand-by. On sait que ça va être un match tout à fait super drôle parce que la Lille a été fondée, comme tu l'as dit, par des joueurs de la Luitre. Oui. Donc, en tant que tel, le calibre devrait être là, je pense. Ben, en fait, Marc-André Marion Flamand est un des fondateurs de la Lille. Et voilà. Va jouer contre sa propre ligue. C'est le fun. Oupsie. Un traître. Ouais, exact. Et pour les joueurs de la Luitre, on parle de Stéphanie Bellil, Alexandrine Pichessir, Magali Brousseau-Arcan et Marc-André Fortin. Quand même, une équipe de trois corps filles. Trois corps filles. C'est le fun. Alors, juste quatre joueurs de chaque côté, si j'ai bien compris. Cinq joueurs. Cinq joueurs, parce que le climax en avait comme 12. Ils étaient sept, en effet. Ils ont remplacé un joueur, Laurent Saint-Pierre, qui a joué la première moitié, et Olivier Dubé, la deuxième moitié. Il y avait un coach. Il y avait un coach. Il y avait 6 joueurs aussi du côté de la Luitre, donc beaucoup de personnes sur l'improvisoire. C'était énorme. Bref, si vous avez manqué ça, c'est bien dommage pour vous. On se reprendra l'année prochaine. Donc, jeudi soir 20h contre la Lille, lundi 20h contre Orange contre Bleu. Et après ça, ça va aller. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Mais le 20 mars, le match X-Luitre s'en vient. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire. J'entends parler de X-Men, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Je sais pas. On garde ça. On garde ça secret. Et voilà. Merci beaucoup, Frédéric Simon. Ben, ça fait plaisir. C'était le fun, ça. Oui. Oui, on te reprend quand tu veux, sauf qu'il y a un absent. T'es sur appel. Exactement. Le bouche-trou de luxe. Exactement, le bouche-trou de luxe. Bon, je disais pas comme ça, mais... Non. Xavier Mekliche qui remplaçait Gabriel Béhoud parce que, en fait, en tant que tel, le chroniqueur de la lutte, c'est encore Gabriel Béhoud. Oui, exact. Xavier a commencé à venir parce qu'il passait dans le coin, tu sais. Puis il a dit, tu peux venir... chaque semaine, pour l'instant, jusqu'à temps que Gabriel revienne. Il était en stage. Gabriel était parti en stage. Exactement. On sait pas s'il a fini. On sait pas. On n'a pas de nouvelles de lui. On va voir. Éventuellement, il est supposé revenir. Bon, au moins finir la saison, j'imagine, une dernière fois. Sinon, au pire, on fera une colique à trois. Rotation. Tout le monde t'a invité. Ouais, c'est ça. Tag team. Comme dans une impro des fois, le tag team. On aime ça. Il y en a eu une encore au match de lundi. C'est l'impro qui avait dégénéré l'année dernière. Tu sais, tu peux pas faire deux fois la même chose. Fait que, tu sais, on savait que ça allait pas nécessairement être aussi bon, qu'il allait peut-être pas avoir de nudité, vu que tu veux pas répéter la même expérience l'année passée. Effectivement, il y a pas de nudité. En effet. Tu vois, c'est une bonne chose. Ouais, ou dommage, ça dépend des points de vue. C'est là, t'es au bout du DJ, fait qu'elle pouvait pas se mettre au nu. Ah, tu vois. Quoique le DJ qui se met au nu, ça aurait été drôle aussi. Mais j'avoue, bon. Hey, ça aurait été parfait. Ah, quelle opportunité ratée. C'est le fun d'y penser c'est, après. Est-ce que le DJ était au courant si jamais ça devait y arriver? Je sais pas. Je sais qu'il était assis genre les jambes sur le comptoir. Fait que tu sais, je pense qu'il était bien confortable dans son bout de DJ. Avec sa belle veste de laine. C'est l'âne. Bref, qu'est-ce qu'on disait? On disait que c'est tout pour ça. C'est le même, on se laisse. Voilà. Ben ouais. Puis on écoute en matière noire les mardis soirs à 21h. Oui. Rediffusion les vendredis à 10h. Tout à fait. 22h, là, décide-toi. Ouais, t'es PM ou t'es 24h? 22h. T'es SPM. Ah, là. On prend une petite pause et au retour, on va voir ce qu'on va faire, en fait. Ben ouais, hein. On va peut-être pas faire grand-chose. Ça va dépendre du bras, Mathieu. Exactement. À date, il dit non, je ne ferai rien. Assemblage Rocky, on est mercredi 8 mars 2017 à l'Étania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, Mathieu Plante qui survit pour les dernières minutes de l'émission. Oui, quand même assez. Je garantis pas que je vais durer longtemps encore. En fait, je pense que je vais te laisser la place pour le reste de l'émission. Un petit peu juste de la musique, amuse-toi avec ça. Oui, exact. Fais ta DJ. Ah, vous allez voir. Hein? Notre expert médical, qui n'est pas un médecin mais qui en joue à la radio, Sébastien F. Gartin, me dit que c'est probablement une luxation de mon bras. On sait pas. On rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission que je suis tombé sur mon côté droit au complet. Exact. Et que là, je souffre depuis le début de l'émission. J'ai de la misère à utiliser la souris. J'y vais avec le bras gauche. Mathieu s'est étendu de son long dans la rue ce matin. Ouais. Seb. Son long, c'est long pas mal parce que, comme vous le savez, Mathieu est assez grand. Exact. Ce qui est droit, c'est ça. Ça a été une haute chute quand même. Oui, effectivement. Quand je suis tombé, pour vrai. Raconte-nous ce qui s'est passé, là. J'étais sur le chemin. Dans le fond, je dois marcher environ deux coins de rue entre chez moi. Donc, mettons, j'ai chez moi, j'ai un coin de rue et là, je continue une longue rue parce qu'il y a des escaliers à monter pour aller à mon arrêt d'autobus. Fait que je suis à peu près au milieu du chemin. Ça allait super bien, je marchais très lentement. Je trouvais ça quand même. Ok, c'est glissant, mais ça se fait, tu sais. J'avais les bras comme un. En comme un avion. Comme un avion ou comme quelqu'un qui fait de la marche sur une corde. Funambule. Bref, funambule. Et c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, OK, là, je m'étais mis mon foulard sur la tête pour pas trop abîmer mes beaux cheveux. Okay. Une capuche, ça te tentait pas. Ben justement, c'est ce que je me suis dit. J'ai une capuche sur ma veste, fait que je vais enlever mon foulard puis me lever ma capuche. Tout en marchant. Sur de la glace avec de l'eau par-dessus. C'est ça. C'était l'erreur de ne pas faire. De ne pas avoir mes mains, mes bras en tant que funambule. C'est ça qui m'a tué. Bref. Et bref, je suis tombé là. Et là, il y avait un camion qui s'en allait, qui était en train de prendre c'est la ça, place. Tu t'es fait rouler dessus. C'est ben, le oui, détail, c'est ça. T'as oublié de nous. Non, je marchais dans le milieu, pas dans le milieu, dans le tiers de la rue peut-être, parce que les trottoirs étaient tellement trop glissants que je marchais sur l'asphalte en tant que tel. Je me suis dit que ça va être beaucoup plus safe. Okay, ouais. Et là, un camion qui partait, qui sortait de la rue, de son stationnement. Puis là, c'est là que je suis tombé. Et puis le camion a arrêté. En pensant que ça allait pas bien. Ouais. Il a vu que j'étais levé. Ouais. Il est parti. Oh mon Dieu! Je suis levé, il est parti. Dans ben méchant. Ouais, mais bref. T'as pas demandé si c'était correct? Non. T'as-tu pris le numéro de plaque en note comme tu peux à la radio? C'est ça! Ma tribune, utiliser ma tribune pour le mieux comme Richard. C'est une loi, Martin. Le bon samaritain. Attaque à Dominem contre le c'est chauffeur. Ça, exactement. Mais bref, fait que c'est ça, j'ai marché en souffrant vraiment beaucoup là, jusqu'à mon arrêt d'autobus, là, en me pognant le bras puis en faisant comme. Même dans l'autobus? Non, ça allait. Dans l'autobus, pour vrai, j'avais le côté droit de mon pantalon était complètement mouillé. Ah, c'est sûr! C'est ça, et pas parce que j'étais excité tout le long. Tout mouillé. Puis le chauffeur d'autobus m'a comme regardé bien normal. Il doit en voir des pires. Ouais, sûrement. Il doit en voir des pires. Bref, fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Et là, comme Sébastien pense, luxation, donc peut-être que j'ai pas quelque chose de cassé, tu dis. Mais ben là, je sais pas. Là, luxation, d'habitude, c'est une articulation qui pogne du lousse, mettons. OK. Ce qui est pas le fun. Là. Tu veux pas que ça fasse ça. Mais... Ouais, parce que oui, sinon, il va falloir qu'il te la replace. Ouais. Ma main est aussi très, très enflée, quand même. Oui, quand même. Ouais. Quoi, on a fait des constatations tout à l'heure. Pendant une pause musicale. Avec nos grandes connaissances médicales à Montagna. Inquiète-toi pas, je regarde Grey's Anatomy. C'est ça. 13 saisons de Grey's Anatomy dans le corps, Montagna. C'est assez de quoi parler. Veux-tu que je te fasse ça de suite? Moi, t'as replacé ça. Qu'est-ce que t'écoutes comme émission médicale, Sébastien, pour être aussi au courant? Sherlock. Ah, pas vrai? Ah! Non, ça, rien de médical là-dedans, c'est une farce. Ça peut être genre sa mère et infirmière, je sais pas trop. Sablon. Sablon, ben oui. Pas en tout. Ça ben, ma mère travaillait à l'hôpital, mais elle était étrange de vie. Ma mère était technicienne en laboratoire. Donc, je savais qu'elle était la seule rapport. Personne qui touche pas à des patients ouais, dans l'hôpital. Ça. Mais je suis bien tombé. Le hasard fait bien les choses. Eh oui. Non, ouais. C'est juste que moi aussi, je tombe dans la vie, puis je me suis brisé plein d'eau, puis tout. Fait moi, je suis exprès pour jamais rien faire d'activité physique. C'est ça. Ouais. Mais tu vois, ça t'arrive pareil, Mathieu. C'est ça. Chasse le naturel et il revient au galop. C'est ce qu'ils disent. Il y a une autre affaire aussi, c'est que t'avais, Tania, on est deux amateurs d'auto, hein, dans la vie, il y a une affaire importante dans les autos, c'est la semelle des pneus. Exactement, là. Hein, puis quand tu te promènes l'hiver avec des sneaks. Ça adhère pas. Je sais bien. Mais pour vrai, ça m'a surpris. J'ai réussi à passer l'hiver au complet sans me péter. L'année passée, un an environ, je me rappelle que c'était aussi dans le coin du mois de février-mars. C'était au dépanneur à un moment donné. Tu sais, des fois, le trottoir, il est comme en pente pour laisser les chaises roulantes entrer. T'sais. Oui. Puis c'est là que moi, le pied m'avait comme frou. Ah non. Puis je m'étais pété le genou. De côté. À ce moment-là. Ouais. C'est incroyable. Comme cassé ou? Puis t'as comme pas appris ta leçon. C'est vraiment juste. Ouais, c'est ça, t'as pas appris. On fait vraiment du victim shaming à vraiment? La fille, elle portait une petite jupe, fait que c'est normal qu'elle soit faite violer, tabarnouche. Ben ouais, le gars se promène avec des souliers pas du tout adaptés à l'environnement. C'est normal qu'il se pète la gueule. Non. C'est la faute à la nature de pas m'avoir respecté dans ma marche quotidienne jusqu'à l'autobus. Non, mais t'as essayé de faire deux choses en même temps. Hier, pendant les palmarès, je t'ai demandé si t'étais capable de faire deux choses en même temps. Tu m'as dit oui. C'est tellement vrai. Et là, ce matin, c'est la preuve vrai. Que la réponse est non. Ouais, mais là, c'est pas correct. Là. J'étais en train de mettre ma capuche. Mes bras étaient pas en funambule. C'est la seule affaire. Sinon, c'est ce j'aurais, qu'ils disent, j'aurais réussi. J'ai réussi tous les jours, quand même. Fait que dans ma chronique ce matin, je parlais de rigueur. Puis, tu sais, faut vérifier ce qu'on avance. Puis tout ça. Mais là, on a vérifié que Mathieu Plante n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Est-ce que tu vas faire un mémoire là-dessus ou une maîtrise, quelque chose comme ça? Ouais, puis après ça, tu vas faire plein de chroniques dans le Journal de Montréal pour dénoncer le mémoire. Je vais dénoncer la nature. Mère nature, attaque à Dominem. C'est ce que Richard Martineau fait de plus. Voilà. Dick. C'est ça, exactement. Dick Martineau. Ce qui me fait toujours rire, c'est Bro and Martineau des annonces à la radio. C'est vrai? La radio montréalaise, c'est un Bro and Martineau. Fait que là, j'ai vraiment envie de dire Dick Martineau. Dick Martineau. Bref, on a passé quand même un petit genre de 5 minutes à parler de moi. Fait que ça va faire. Je te mets une petite chanson, ben Tania. Ouais. Je te mets du Barbagallo. OK. Hein? Avec un nouveau Cidobre. Oui. Cidobré. Oui. Je sais pas oui. ce que ça veut dire. Je te laisse te renseigner. Je sais pas non plus. Si on écoute ça, puis après ça, ben, je pense que Tania va se gâter un peu. J'espère que tu vas gâter un petit peu ben le public. Ben oui. Je suis pas obligé d'aller ben tard. Ben non, écoute pas. Ben, merci, puis pas demain, Tania. Ça veut dire qu'on se revoit seulement mercredi. Oui, en effet. C'est vrai. Ouais. Texte-moi là, comment ça va, puis texte-moi tes radiographies. Yes. Merci, Tania. Merci à vous. Merci, Sam. Ça fait plaisir. Bon café. Non, on reste ensemble, nous autres. C'est ça. Quelque chose de si d'ombre, il y a un peu aussi du Nouveau-Mexique. Il y a dans cet endroit une femme sublime qui déambule au milieu des pierres chaudes. Il y a dans cette femme un amour qui dévale. Elle chante pour les chevaux qui n'ont pas de nom. Qui donc s'adresse. cet endroit, quelque chose de si d'obre. Il y a un peu aussi du Nouveau-Mexique. Il y a dans cet endroit une immense promesse qui a été faite il y a mille ans à elle et toi. Barbagallo avec Nouveau Cidor. Oui, comme Mathieu Plante vous l'a dit avant qu'on parte en pause musicale, je vais terminer l'émission toute seule. On a envoyé Mathieu avec, avec notre gentil ambulancier, faux ambulancier Sébastien Evgertin qui est venu nous aider ce matin. Mathieu, on vous le rappelle, c'est étendu de son long dans la rue ce matin en venant à la station et malheureusement, on pense qu'il a quelque chose de brisé, donc il est en direction de l'hôpital. On va vous tenir au courant sur la page Facebook d'Assemblage Reiki au cours de la journée. Je lui ai demandé qu'il nous envoie les photos de ses radiographies si jamais il y a quoi que ce soit, qu'il nous envoie quelques nouvelles aussi au courant de la journée. Mais c'est une anecdote qui vaut quand même la peine d'être racontée en ondes, je pense. Il a quand même réussi à faire une bonne partie de l'émission. Il est parti avec son café, mais ça se voyait, là, tu sais, en fleurs beaucoup, donc on lui souhaite la meilleure des chances. Et nous, on va poursuivre aussi encore en musique le temps que je me cherche quelque chose à vous dire. Donc, on va aller écouter une des pièces que j'adore du palmarès anglophone. C'est The Pretty Reckless avec Back to the River. There's blue skies all around me and the world looks just the same. It's hard to be criminal when you all know my name. Sometimes I wonder. You can be king of me, and I'll be the queen. No one listens to me. Avec Back to the River. Comme je vous le disais, c'est une pièce du palmarès anglophone, oui, pas francophone, mais anglophone que j'adore. Chaque fois qu'elle joue, je sais pas pourquoi. The Pretty Reckless, Taylor Momsen, c'est une artiste que j'ai connue, évidemment, entre autres, à cause de Gossip Girl, l'émission américaine. Mais lorsqu'elle a commencé à jouer dans le band The Pretty Reckless, j'ai adoré ce qu'elle faisait. Et cette chanson-là, plus précisément, je trouve que c'est un petit peu plus blues. Et je trouve ça vraiment excellent. Donc, je vous répète, Back to the River de The Pretty Reckless. Et tout à l'heure, on discutait de ce que j'allais pouvoir vous jaser un petit peu le temps que Mathieu est quitté parce que, bon, il est blessé, on n'a pas le choix, il faut lui rendre service. Donc, il est parti à l'hôpital avec Sébastien Guertin. Mais je viens de réaliser qu'aujourd'hui, le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme et on n'en avait pas encore discuté dans l'émission. Alors, je me suis dit, pourquoi pas parler un petit peu de ça en fin d'émission. Et du côté de la France, il y a plusieurs stars qui ont décidé de porter du rouge à lèvres pour la Journée des droits de la femme. Donc aujourd'hui, chaque année, en fait, le 8 mars, c'est de nombreux hommes qui vont mettre du rouge à lèvres. Pourquoi? C'est tout simplement pour soutenir la lutte contre les violences qui est faite aux femmes. Et il y a plusieurs stars masculines qui se sont mobilisées au fil des années sur les réseaux sociaux, entre autres. Vous avez peut-être pu voir le hashtag « Mettez du rouge ». Ça a été lancé par le collectif du même nom et ça circule partout sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Snapchat ou encore Facebook. Et chaque année, à l'approche du 8 mars, c'est la même chose. Les hommes vont se mobiliser à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et ils vont appliquer un petit peu de rouge à lèvres avec un objectif qui est de passer un message de soutien. Et on a plusieurs artistes qui l'ont déjà fait, entre autres Patrick Bruel, je me souviens plus de son nom, Vincent, Michel Sim l'a fait. On parle aussi de Bob Sinclair qui l'a fait. Patrick Poivre d'Arvor porte lui aussi du rouge à lèvres en cette journée. Patrick Bruel, comme je vous le disais. On a Benjamin Biolay. On a Oxmo Puccino. Donc, on a vraiment beaucoup d'artistes masculins qui ont décidé de le faire. Mais d'un autre côté, je vous pose la question à vous, messieurs. Est-ce que pour supporter une femme, vous seriez prêt à porter du rouge à lèvres? Pas nécessairement pendant une journée entière, mais simplement le temps d'une photo. Est-ce que c'est quelque chose qui viendrait peut-être en l'encontre de certaines de vos valeurs ou vous comprenez vraiment très bien le projet qu'il y a en arrière de ça? Parce qu'en fait, c'est un symbole de lutte contre la violence qui est faite aux femmes. C'est certains inconnus et certaines célébrités, en fait, tous les hommes de la planète sont invités à participer à ce petit mouvement-là. Et le but, c'est vraiment de promouvoir la lutte contre les violences qui est faite aux femmes à travers le monde. Et le principe est simple, comme je vous le disais disais tout à l'heure, c'est d'appliquer du rouge à lèvres, se prendre en photo et de poster le cliché sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à le faire. C'est une initiative qui est européenne, une initiative française, mais quand même, si on réussit à en faire peut-être un petit peu le tour de la planète, ça pourrait devenir très, très gros. Et pour rappel, chaque année en France, les femmes sont victimes de 83 000 viols ou tentatives de viol, soit 230 par jour. C'est énorme. Donc, les stars ont décidé de faire ça un petit peu pour justement souligner tout ça. Et l'opération a été lancée en fait en 2013, ce qui a réuni à l'époque environ 500 personnes. Et depuis, le mouvement n'a pas cessé de prendre l'ampleur. Là, c'est devenu de plus en plus gros. On le voit à travers le monde, que ce soit ici même au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Et il y a plusieurs pays qui s'en sont fait l'écho à chaque année avec beaucoup plus de participants. Il y a des inconnus, bien sûr, mais aussi, surtout, plusieurs personnalités connues, entre autres Vincent Cassel, que je cherchais le nom tout à l'heure. Je viens de le retrouver. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites-le aujourd'hui. En fait, je vous invite à le faire. Je vous pose aussi la question, allez répondre sur la page Facebook d'Assemblage Requis, si c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, il y a des activités que l'on peut faire aujourd'hui pour souligner la Journée de la femme, pour souligner la Journée des droits de la femme. Surtout, on doit le rappeler, c'est pas simplement parce qu'on est une femme qu'on a notre journée, c'est surtout pour les droits de la femme. Donc, j'essayais d'ouvrir mon lien Facebook, mais malheureusement, ça semble pas vouloir s'ouvrir. Mais c'est une conférence qui se déroule ici même à l'UQTR un petit peu plus tard durant la journée. C'est la conférence « Le corps des femmes blanches, le désir des hommes noirs, histoire du lynchage aux États-Unis ». Donc, ça se passe à 19h et c'est organisé par le comité de femmes du syndicat des profs du cégep de l'UQTR. Et pour en savoir davantage, en fait, c'est une conférence de Maryse Bachand, qui est professeure d'histoire américaine à l'UQTR dans le cadre de la Journée de la femme. Et ça a été organisé par le comité de femmes du syndicat des profs du cégep de Trois-Rivières. Si je me souviens bien... OK, ça se déroule pas du côté de l'UQTR, ça se déroule en fait du côté du cégep, c'est au théâtre du cégep de Trois-Rivières, mais c'est une professeure de l'UQTR qui va aller discuter et qui va aller donner la conférence, donc c'est ce soir à 19h, si jamais ça vous intéresse. Moi, je pense que c'est assez important, en fait, de pouvoir le mentionner et de pouvoir aussi célébrer comment je pourrais dire ça, la Journée de la femme pour ce qu'elle a réussi à faire dans le monde et surtout pour ses droits. Et pour terminer l'émission, parce que on va se le dire, c'est déjà quasiment la fin, bien on va aller écouter deux filles, en fait, deux femmes qui font beaucoup bouger le palmarès francophone. On va aller écouter Tegan and Sarah avec U-Turn. Yeah. Turn, Tegan and Sarah. Je sais que Mathieu apprécie vraiment beaucoup cette pièce-là. Alors, en fin d'émission comme ça, je me suis dit, bon, OK, journée de la femme, on va aussi lui offrir. Tu sais, il est parti à l'hôpital, pauvre petit. C'est pas vraiment de sa faute. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a fait à l'émission ce matin. Malheureusement, j'ai pas la clé USB de Mathieu. Il a quitté avec la clé, alors j'ai pas le thème musical de l'émission. Mais on va se retrouver, nous, précisément, moi et vous, mercredi prochain. Mais sinon, Mathieu va être de retour en théorie demain matin à 7h30 et en rediffusion à 6h30. Donc, manquez pas ça, assemblage requis. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Et surtout, bon café!